Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, sur le 107 MHz. L'émission du lundi soir, calendrier des esclavages et des libérations. Alors, de quoi s'agira-t-il ce soir? Eh bien, de premièrement, l'EPR de Flamanville, le cauchemar, les soudures, voilà. Ensuite, eh bien, l'immunothérapie. C'est un sujet très intéressant concernant la science, concernant les cancers en général, et d'autres maladies aussi. Ensuite, les européennes, la France insoumise est sous-estimée. Et ensuite, le programme de la France insoumise, un résumé en quelques minutes. Les mandolines de Remiremont. Le média, les mandolines de Remiremont, c'est pas pour parler, ce sont pas des paroles, c'est de la musique. Et ben oui, tout le monde le sait. Le média, comment Macron lit brade le patrimoine. Le média, c'est une Radio Guémozo est une chaîne, une radio libre, et le média, c'est une télé libre que vous pouvez avoir sur votre ordinateur, sur Internet, quand vous voulez. Vous tapez le média et vous aurez cette chaîne de télévision libre. Alors donc, Macron brade le patrimoine. Ma grand-mère va voter Jean-Claude Lagarde. C'est Charline qui nous raconte ça. Hein. Marie-Noëlle Lindemann nous dit tout est fait pour discréditer Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, le média, les Gilets jaunes affolent la Macronie. Le média, Drouet versus Benalla, deux poids, deux mesures. Marc Augeret nous chantera « Agitant m'a prédit ». Alors Jean-Luc Mélenchon parle à Bordeaux, 2 minutes 10. Hein. Éric Coquerel, le mouvement des Gilets jaunes est le plus réprimé depuis 1945, disons. Hein, voilà. Alors, bien, je vous souhaite une bonne écoute ce soir. Bon, je sais, c'est dense, il y a beaucoup de matière, mais voilà, je ne fais que 2 heures par semaine d'émission. Il y aurait de la matière pour beaucoup plus, mais bon, il faudrait qu'on se mette à plusieurs, que de manière à ce que vous n'entendiez pas toujours la même voix. Hein, bien sûr. Alors, si vous avez envie de faire de la radio, eh bien, voilà, hein. Rue de Place de l'Hôtel de Lille, Saint-Étienne-Remiremont, 03 29 62 40 40, c'est l'adresse de RGM, le numéro de téléphone de RGM, si le cœur vous en dit. Mais oui, bien sûr que le cœur vous en dit. On a tous quelque chose à dire, on n'a pas qu'à écouter, on a aussi à dire, bien sûr. Oh là là. Le 19 mai 1849, en Allemagne, la révolution de 1848 a échoué. Le nouveau journal rhénan sort son dernier numéro. Marx est banni de Cologne, puis de Paris à Londres, où Engels le suivra. Ah, c'est pas facile d'être révolutionnaire. 1850, Norvège. Pétition au vice-roi, avec 12 833 signatures. Un Danois et un Suédois y sont associés. C'est au roi que le peuple demande justice, l'abandon des tarifs douaniers protectionnistes, des droits minima pour les métayers locataires, la réduction de la vente de l'eau de vie, l'école communale pour le peuple, le suffrage universel. L'école communale pour le peuple, le suffrage universel, très important. 1895, Cuba. José Martí, fondateur du Parti révolutionnaire cubain, une des figures les plus nobles de l'Amérique latine, meurt à l'âge de 42 ans, tué par une balle espagnole, alors qu'il luttait comme un simple soldat aux côtés des insurgés. 1898, Philippines, à Manille, Aguinaldo prononce la lutte pour l'indépendance des Philippines contre les colonisateurs espagnols. 1908, Espagne, une loi établit des tribunaux industriels pour la conciliation et l'arbitrage. 1929, Autriche, la Heimwehr, formation paramilitaire fasciste, dénonce le parlementarisme. 1933, Allemagne, suppression du système des conventions collectives. 1965, France, chez Peugeot, il y a 8200 grévistes sur 23 000 travailleurs. Ils refusent un compromis sur les salaires et les libertés syndicales. 1968, France, Fête populaire à Boulogne-Billancourt devant les usines Renault occupées. Le général de Gaulle déclare, deux points ouvrant les guillemets, c'est lui qui parle, la réforme oui, la Charlie non. La réforme oui, la Charlie non. Fermons les guillemets. 1975, Portugal. Des travailleurs hostiles à la ligne politique du journal République publient une édition pirate. 1977, Brésil, réveil du mouvement étudiant. Pour la première fois depuis 1968, des manifestations se déroulent dans plusieurs villes suite aux arrestations du 1er mai. 1977, Mozambique, à Maputo, une conférence internationale soutient les peuples du Zimbabwe et de Namibie en lutte contre le colonialisme. 1980, Afrique du Sud, à Helsinki, en Finlande, sous l'égide du sous-comité des organisations non gouvernementales, ONG, contre la discrimination raciale, se tient un séminaire sur la femme et l'apartheid. La politique raciale de l'Afrique du Sud est dénoncée comme la domination par une minorité raciste qui a reçu le pouvoir de l'ancienne puissance coloniale, un système criminel qui ne peut être réformé. Par conséquent, il n'y a rien d'autre à faire que d'assurer la prise du pouvoir par le peuple afin de détruire toutes les structures de l'apartheid et de permettre au peuple d'édifier une société démocratique fondée sur le principe de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Le 20 mai, c'est aujourd'hui. Le 20 mai 1525, l'armée féodale qui marche vers la Haute-Alsace s'affronte aux paysans à Chervillers. Les combats sont très durs. Le nombre des paysans tués s'élève à 6000. Parmi eux, il y aurait 500 curés. Alors, c'est 1525, c'était à l'époque en Allemagne, maintenant, bon, l'Alsace est française. 1700 depuis 1628, tu crois. 1743, Haïti, naissance de Toussaint Louverture, héros de la libération des esclaves noirs de l'île. 1795, France, les quartiers est de Paris se révoltent. Ils veulent du pain et la constitution de 1793. 1793, vous savez, cette constitution qui disait dans son article 35 que lorsque le peuple n'obtient pas la justice, il a le droit et l'impérieux devoir de faire du justice lui-même. Curieusement, cet article de la Constitution de 1793 n'a jamais été repris par les constitutions suivantes. Pourquoi donc? 1795, France. Les quartiers est de Paris se révoltent. Ils veulent du pain et la Constitution de 1793. 1802, France. Bonaparte rétablit l'esclavage dans les colonies ainsi que la traite des Noirs. Il y voit, entre guillemets, un mal nécessaire. Ah, là, Bonaparte commençait à montrer vraiment ce qu'il était. Enfin, il commençait. On pouvait commencer nettement à voir où il allait emmener la France. 1901, Japon. Le Parti social-démocrate constitué ce jour est interdit immédiatement. 1909, France. Le conflit de Mérus se prolongeant, les patrons les plus durs sont obligés de céder. 1912, Chine. Dans une pétition au président Sun Yat-sen, l'Alliance de coordination des femmes réclame l'égalité des droits entre hommes et femmes. 1912, Chine. 1917, France. Un accord dans la couture et la mode à Paris met fin à la grève. 1919, France. Les femmes obtiennent le droit de vote aux élections municipales. 1935, Turquie. Une loi fixe les congés de la fête nationale et des jours de fête. 1961, Mauritanie. Nouvelle constitution. Elle s'écarte de la constitution française et imprime au pays son caractère particulier avec la primauté de la religion musulmane. Eh ben voyons. 1968, France. Le pays est paralysé. Les concours et les examens sont remis en cause. Jean-Paul Sartre, participant à un débat à la Sorbonne, déclare, deux points ouvrant les guillemets, « Ce qui est en train de se former, c'est une nouvelle conception de la société basée sur la pleine démocratie, une liaison du socialisme et de la liberté. » 1969, Namibie. Le Conseil de sécurité de l'ONU déclare la présence de l'Afrique du Sud en Namibie illégale. 1970, Italie. Loi sur le statut des travailleurs. La liberté et la dignité du travail. La liberté et l'action syndicale. 1978, Pérou. Les syndicats s'apprêtent à lancer un mot d'ordre de grève générale. Le gouvernement instaure l'état d'urgence. Les droits constitutionnels sont suspendus. La presse est jugulée. De nombreux responsables syndicaux sont arrêtés. 1984, Suisse. Par 73% de non contre 27% de oui, les électeurs suisses rejettent l'initiative populaire du Parti socialiste contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des banques. Eh oui, quelquefois les peuples ils sont capables de faire eux-mêmes leur malheur. Le 21 mai 1795, France, le faubourg Saint-Antoine, en révolte, est cerné par les troupes. La répression s'abat sur les manifestants, la terreur blanche est à l'horizon. 1871, France, ce dimanche, début de la semaine sanglante de la Commune de Paris, les Versaillais entrent par surprise dans la capitale. Thiers, un collabo Thiers, dispose maintenant d'une armée de 63 000 hommes, plus les 130 000 prisonniers de guerre libérés par les Allemands. Eh oui, Thiers collaborait avec l'occupant. Thiers, il a des rues partout en France, Thiers. La bourgeoisie vénère M. Thiers, qui est un collabo, le chef collabo, le premier collabo, enfin le premier, dans l'histoire moderne, l'histoire récente. La commune dispose de 40 000 combattants, plus les femmes et les adolescents. Pendant 8 jours, Paris sera à feu et à sang. 1893, Espagne. Création de la Fédération des ouvriers agricoles. Elle développera une agitation agraire en Catalogne. Tiens, la Catalogne, déjà, encore. 1908, France. Les patrons des sablières de la Seine refusent de reconnaître le syndicat. Ils font venir les briseurs de grève, protégés par l'armée et pourchassés par les grévistes. Les briseurs de grève, protégés par l'armée. Ah bon? Ah bon? On n'en est pas là en 2019 en France, non. 1920, Italie. À la Réunion de Milan, les organisations du prolétariat décident de saboter l'intervention contre la Russie révolutionnaire. 1927, Chine. Un colonel indiscipliné massacre à Changsha, au Hunan, les paysans venus s'emparer d'un grand domaine. La terreur blanche qui suivra fera des milliers de morts parmi les paysans. 1951, République fédérale d'Allemagne. Une loi institue une commission paritaire dans 105 entreprises de plus de 1 000 travailleurs. 1968, France. L'activité du pays est complètement paralysée. Il y a environ 10 millions de grévistes. Les occupations d'usines se passent dans l'ordre. 1980, Brésil. La grève des métallos de São Paulo étant terminée, les 12 dirigeants syndicaux arrêtés le 19 avril sont libérés. 1980, Corée du Sud. Des violences éclatent également dans 16 villes de la province de Chola. Le sud du pays est isolé. La population s'arme. Les victimes sont nombreuses. Des hôpitaux de fortune sont installés. 1981, France. Début de la présidence de François Mitterrand. Il se situe dans la ligne du Front populaire, de la libération et de l'international. Eh oui, 1981, la gauche avait réussi à faire l'union. Eh oui, y a que dans l'union que la gauche peut espérer gouverner et que le peuple peut espérer que une vraie gauche puisse gouverner vraiment. Bonjour Erwan Beneze. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes journaliste, auteur de Nucléaire, une catastrophe française parue aux éditions Fayard. On pourrait presque remplacer votre titre par Flamanville, une catastrophe française. Non, tant les retards et les problèmes se sont accumulés. Effectivement, l'EPR de Flamanville devait être le fleuron du nucléaire français et d'EDF. Et en fait, c'en est aujourd'hui le cauchemar. C'est presque le sparadara atomique du capitaine Haddock, ou plutôt ici le capitaine Lévy, Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF. Je reviens à l'actualité. Hein. L'EPR a déjà 7 ans de retard, vous venez de nous le rappeler, et ça pourrait encore continuer car les experts ont conclu finalement que EDF ne pouvait pas laisser en l'état ses soudures. Ses soudures. Alors quand on emploie ce terme, évidemment tout le monde est paniqué, mais ça veut dire quoi très exactement? Alors, on parle de soudures, c'est pas des soudures simples, c'est extrêmement compliqué à réaliser, et là, on avait 150 soudures qui ont été non conformes, jugées non conformes, et vous avez surtout toute l'attention aujourd'hui est portée sur 8 soudures qui traversent l'enceinte de confinement, ce qui est au plus proche du réacteur. Et c'est un petit peu comme si chez vous, on avait refait le sol, et une fois que tout le béton a été coulé et séché, on vous dit, ah ben mince, le chauffage au sol, les tuyaux qui traversent votre plancher, ne fonctionnent pas, ça a été mal réalisé, il va falloir tout casser pour tout refaire. Mais EDF avait bien effectué des tests importants l'année dernière, hein, prouvant que ça ne posait pas de problème de sûreté a priori, non? C'est un petit peu ça le problème avec EDF, c'est que ils appliquent un petit peu la stratégie du non-retour, du fait accompli, c'est-à-dire que même en sachant qu'il peut y avoir des problèmes, ils continuent les travaux un petit peu pour dire, mais attendez, regardez ce que ça nous a coûté, oui. Là, vous parliez des 11 milliards d'euros, regardez tout le temps qui est passé, on peut plus revenir en arrière, il faut continuer et on va faire en l'état, sauf que on parle des énergie nucléaire et donc d'une technologie qui peut s'avérer extrêmement dangereuse. Alors, je prends le problème à l'envers. Que penser de la décision de l'ASN et est-ce que ils en rajoutent pas un petit peu, tout simplement pour exister, très honnêtement? C'est tout le travail de l'ASN. C'est le gendarme du nucléaire. Et donc là, ils sont tout à fait dans leur rôle. Ils ont déterminé un problème et donc ils sont obligés de dire à un moment stop, on arrête et on voit ce qui peut se passer. passer. C'est vraiment, là encore une donc fois... Donc il n'y a pas de surenchère de l'entité ASN en tant que telle. Absolument pas. Ils sont dans leur rôle et si jamais ils ne le faisaient pas, là, ça poserait un réel problème de responsabilité. Alors, ces nouveaux travaux qui sont envisagés, notamment pour ces fameuses soudures, est-ce qu'on a la moindre idée de ce que ça peut coûter, du coût que ça engage ? On parle... au bas mot, au minimum de plusieurs centaines de millions d'euros et peut-être plusieurs milliards d'euros avec des délais de plusieurs mois, voire plusieurs années. On se retrouve avec des sommes qui sont pratiquement, enfin, difficilement imaginables parfois. Est-ce qu'on peut imaginer abandonner un tel projet ? Là encore, je reviens à cette stratégie du point de non-retour. Pour EDF, non, il faut aller jusqu'au bout. Mais effectivement, à un moment, quand ça a déjà coûté 11 milliards d'euros à comparer aux 3,3 milliards d'euros que ça devait coûter quand ça a été lancé en 2007, on peut effectivement, réellement aujourd'hui, se poser la question au regard en plus des dangers que cela peut faire courir. Dans la logique, et là je dis bien, il faut toujours essayer de réfléchir différemment de ce que spontanément on pourrait imaginer. Sur le fond des choses, est-ce qu'on a besoin de cette EPR pour continuer l'aventure nucléaire française ? On est engagé là-dedans, qu'on le veuille ou non ? Alors, on est engagé, mais aujourd'hui, contrairement aux années 60 où on avait peu d'autres choix technologiques quand on s'est engagé dans ce gigantesque chantier, le plus grand chantier industriel de toute l'histoire de la France avec la construction de 58 réacteurs. À l'époque, on avait effectivement peu d'autres choix pour construire son indépendance énergétique. On n'avait pas tous les accidents qui sont arrivés et puis on avait de l'argent, on sortait des 30 glorieuses. Aujourd'hui, la donne a complètement changé et notamment avec le renouvelable. Il y a toujours eu deux éléments, enfin argumentés bien entendu par ceux qui nous ont engagés dans le nucléaire. C'est un, nous avions une électricité qui était une des moins chères d'Europe. La France restait autonome. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux constats ? Alors, l'électricité la moins chère aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Le nucléaire est en train de coûter de plus en plus cher, au-delà de 100 euros le mégawattheure, quand le renouvelable, lui, est en train de baisser année après année. Et donc, c'est plutôt l'équation économique qui pourrait un jour mettre fin au nucléaire. Merci beaucoup, Erwan Benezet. Je rappelle votre livre, paru aux éditions Fayard, Nucléaire, une catastrophe française. Bonne journée à vous. Lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie, et puis... il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin... sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui mord d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... et ça fait des grands... et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin ils veulent pas, enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas, monsieur, on ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Je vais appeler le docteur Sandrine Aspelag. Je ne sais pas où elle est. Elle est là, elle arrive, voilà. Donc vous êtes oncologue médical au sein du DITEP, c'est le département d'innovation thérapeutique et essais précoces de Gustave Roussy. Au passage, je cite souvent Gustave Roussy, je voudrais vraiment les remercier parce que ça a été, ils nous ont fourni un nombre d'orateurs significatifs. Et vraiment, merci beaucoup Gustave Roussy, ils font des choses formidables. On peut applaudir Gustave Roussy et vous les encourager en allant acheter des petits bonnets. Voilà. Donc, je continue, excusez-moi. Donc, vous êtes titulaire d'un doctorat en immunologie et vous êtes spécialiste de l'immuno-oncologie. En 2014, on vous a décerné le prix Georges Mathé, hein, qui, alors pour les plus anciens, Georges Mathé, c'était un grand cancérologue. Hein. Vous êtes co-investigatrice de plusieurs essais cliniques d'immunothérapie chez des patients atteints d'un cancer avancé. Et enfin, vous êtes co-auteur de plusieurs publications sur les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Voilà, vous avez 15 minutes pour nous dire l'immunothérapie, qu'est-ce que c'est, l'immunothérapie pour les nuls. Allez, faites-nous ça. Tout d'abord, merci de l'invitation. Et c'est avec plaisir que je vais vous expliquer les fondamentaux de l'immunothérapie. Ah oui. Donc, juste pour vous introduire encore une fois, en 2014, l'immunothérapie a été élue comme un des sujets le plus important où il y a eu le plus d'innovation au niveau de la science par le journal Science. Donc, il s'agit vraiment d'un sujet qui, de plus en plus, devient important aussi pour les patients. Et c'est ça dont je vais vous expliquer les bases. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Avant et toujours, on essaye de cibler la cellule cancéreuse par à travers la chimiothérapie ou par à travers les thérapies ciblées. Par contre, de plus en plus, on a compris qu'en fait, dans notre corps, nous avons des cellules, c'est-à-dire les lymphocytes CD8, qui peuvent tuer, qui sont vraiment des tueurs en série, et je vais vous montrer une image, des cellules cancéreuses. Et maintenant, on apprend à les utiliser pour nous battre contre le cancer. Donc, en fait, c'est ce qui se passe. On va cibler la lymphocyte et c'est la lymphocyte qui va tuer les cellules cancéreuses. Et donc, juste une image pour vous montrer. C'est un patient avec un cancer de mélanome et qui, après des injections par une immunothérapie qui s'appelle ipilimumab chez ce patient, a induit une régression, une très belle régression des lésions, et après 2 ans, le patient n'a plus de lésions, et le patient est toujours en vie. C'était des patients qui étaient condamnés à ne plus avoir que 3 mois de vie. Donc c'est quand même très révolutionnaire. Ceci est la thérapie ciblée. Oui, désolé pour les images qui sont peut-être un peu choquantes, mais c'est ce qui se passe chez nous, malheureusement. Donc ça, c'est un patient qui avait une mutation dont parlait le professeur Calvo. Et en effet, quand on donne un médicament adapté à cette mutation, dans la plupart des cas, les patients y répondent. Par contre, il y a une rechute. Et il y a une rechute au-delà d'un an, deux ans, et malheureusement, l'histoire recommence. Et donc, au contraire de l'immunothérapie, les patients qui répondent, ils répondent très longtemps. Mais il n'y en a pas beaucoup qui répondent. Ça, c'est le problème. Donc, le mieux, ce serait de fusionner les deux. Mais bon, on est en train de travailler à ça. Donc, juste pour vous montrer que ce n'est plus que le mélanome, il y a beaucoup d'autres maladies, il y en a à peu près une trentaine dans lesquelles on a démontré l'intérêt de l'immunothérapie. Et une chose importante dont je vous ai déjà parlé, c'est que l'anti-CTLA-4 ou l'ipilimumab, quand ça fonctionne, ça peut fonctionner au-delà de 10 ans. Ça, c'est une étude qui montre que les patients qui ont eu ce médicament, 10 ans après, je suis désolée, mais le marqueur, 10 ans après, ils sont toujours en vie. Donc, c'est un médicament très prometteur. Il faut qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne et comment on peut aider tous ces autres patients chez qui ça ne fonctionne pas. Là, je vais vous introduire très courtement dans les bases pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Quand on regarde une tumeur sous la microscope, on voit en effet les cellules tumorales, mais on voit qu'il y a aussi des lymphocytes, des macrophages, donc toutes les cellules du système immunitaire. Le système immunitaire, on pourrait le diviser en deux groupes. Il y a les systèmes immunitaires innés et il y a les systèmes immunitaires adaptifs. Le système inné, il va réagir tout de suite, mais il n'est pas spécifique. Le système adaptif, il est spécifique et les cellules CD8 dont je vous ai parlé, qui sont les cellules tueurs en série des cellules cancéreuses, elles appartiennent à ce système. Et c'est ce que vous voyez ici. Il y a une vidéo sur Internet, mais après 15 minutes, on voit que la cellule cancéreuse est en train de se dégrader. Après 30 minutes, la cellule cancéreuse, elle est morte. Donc c'est vraiment c'est une cellule très très forte qui peut tuer des cellules cancéreuses au niveau d'un cancer. Mais il y a un souci. Il y a un souci que les cellules... Je vais vous expliquer ici. Les cellules cancéreuses, elles vont se développer pour qu'elles ne soient plus reconnues par le système immunitaire. En plus, elles vont endormir le système immunitaire. Donc même si les cellules CD8 elles sont en place, souvent chez un patient cancéreux, elles sont endormies. C'est comme elles n'étaient pas là. Donc elles ne peuvent pas agir. Donc les nouvelles immunothérapies, comment elles fonctionnent? Elles réveillent ces cellules cancéreuses. Ces cellules immunitaires, pardon. Vous êtes réveillés, c'est bien. Donc ça c'est le cercle du cancer immunité. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une tumeur. Les cellules cancéreuses, elles vont mourir, elles vont relarguer ces protéines ou des antigènes. Ces antigènes vont être présentés par des cellules dendritiques. Là, je vous parle de plusieurs cellules immunitaires qui sont importantes. Les cellules dendritiques, elles vont migrer au niveau des ganglions. Aux ganglions, elles vont rencontrer ces cellules CD8 dont je vous ai parlé. Ces cellules CD8, elles vont aller dans la tumeur, pénétrer bien dans la tumeur et elles vont reconnaître les cellules cancéreuses. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes qui doivent se faire. Et à chaque étape, les cellules cancéreuses, elles arrêtent le travail des cellules CD8. Donc à chaque étape, on a du boulot à faire avec nos nouveaux médicaments. Et ça, c'est un des médicaments les plus prometteurs. C'est que quand il y a un axe, il faut savoir que quand la cellule cancéreuse rencontre la cellule T, et elle va exprimer l'axe CTLA4 ou l'axe PD1-PDL1. Et quand cet axe est là, c'est l'axe pour l'endormir. C'est comme elle donne du Valium au CD8. Et les CD8, ils sont endormis. Donc il faut casser cet axe. Ça, c'est primordial. Et ça, c'est ce qu'on fait. Avec l'ipilimumab, on va casser cet axe. Et avec tous les molécules anti-PD1, il y en a au moins 7 qui sont en cours de développement, on casse l'autre axe. Et ça, c'est assez prometteur. Ce qu'il faut aussi faire, c'est il y a des cellules T-régulateurs. Il faut savoir, notre système immunitaire, on ne veut pas qu'il soit trop actif. Autrement, on a une arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn. Non, on ne veut pas changer nos patients de cancer en des patients rhumatologiques. Donc il faut bien un peu essayer de gérer. Ce n'est pas facile. Une des cellules qui est importante pour l'occurrence de l'arthrite rhumatoïde, c'est les cellules T-régulatoires. Donc, elles sont délétères dans le cancer. On ne veut pas les voir dans le cancer, parce qu'elles aussi, elles vont endormir les CD8. Et la même chose pour certains types de macrophages qui vont aussi endormir les cellules CD8. Donc, comment est-ce qu'on va cibler? Comme je vous ai dit, à chaque étape, du cycle, on peut intervenir. Et avec anti-PD-1, anti-PD-L1, on intervient là-bas. Mais vous comprenez, si on n'intervient que là-bas, que toutes ces autres étapes, si elles ne se font pas, le anti-PD-1 ou anti-CTLA-4, il ne fonctionnera jamais. Par exemple, si les cellules CD8 elles ne rentrent pas au niveau de la tumeur, on a bien d'arrêter l'axe, mais ça ne va rien faire. Par contre, chez des patients qui répondent, c'est bien ce qui se passe. Donc là, je vous montre un scanner d'un patient avec des métastases. Toutes les boules en blanche, ce sont des métastases. Et 6 semaines après, on voit que les métastases, elles ont disparu. On regarde aussi sous le microscope et on voit que toutes les boules marron, ce sont des cellules CD8. Après 4 semaines de traitement, on a refait une biopsie et on a vu qu'elle est beaucoup mieux infiltrée par les cellules CD8. Donc on est content. Les cellules, les tueurs en série, ils sont sur place, ils peuvent faire leur travail. Ça, c'est les dernières nouvelles du cancer du poumon. La semaine dernière, il y avait un très grand congrès à Copenhague où il y a eu plein de nouveaux données, surtout dans le cancer du poumon, où ça va vraiment changer la façon dont on traite ces patients. Et on voit que ça, c'est un anticorps anti-PD-1. Et ça, c'est la chimiothérapie. On voit qu'il y a beaucoup plus de gens après 21 mois dans le bras de pembrolizumab. Donc, c'est prometteur. Mais pas pour tout le monde encore. Et puis, encore quelques perspectives pour le futur, parce que moi, je travaille au DITEP, c'est une unité où on teste les nouveaux médicaments. Donc, je teste chaque jour des nouveaux médicaments chez des patients. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire pour pouvoir aussi agir chez les patients qui ne réagissent pas à l'immunothérapie? C'est de rajouter d'autres molécules qui vont être délétères pour les cellules T-régulatoires, mais qui vont davantage activer, par exemple, les cellules CD8 et des autres cellules. Et c'est avec cet arsenal-là qu'on est en train de travailler. Donc, c'est des anticorps. Donc, c'est des petites molécules qu'on donne par infusion chez les gens et qui vont donc cibler la cellule T. Et tous ces anticorps, on est en train de faire des études. Et puis, je vous ai parlé du système immunitaire adaptif et le système immunitaire inné. Maintenant aussi, on essaye de cibler le système immunitaire inné, qui est quand même un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de toxicité. Mais petit à petit, on apprend et je suis sûre, dans quelques années qui viennent, je pourrais peut-être être à nouveau ici et vous expliquer comment ça peut fonctionner et révolutionner le cancer. Voilà, je vais finir là-dessus. Donc vraiment, ces anticorps, ils sont en train de révolutionner la cancérologie. Par contre, on a des toxicités inattendues, dont il faut avoir l'expérience pour les gérer. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Juste une question rapide avant de vous laisser vous échapper. À quel horizon tout ça? Parce que quand on est malade, on a envie de savoir à quel horizon. Quand on va utiliser toutes ces techniques pour soigner en masse les gens? C'est une très bonne question. Donc, ça coûte très cher en ce moment. Donc, ou bien on traite les gens dans des études quand on a accès à des études. Quand on n'a pas accès à des études, il faut discuter avec la NSM et avec les boîtes pour que le prix diminue et qu'on puisse payer tout ça, parce que ça, c'est un vrai défi aussi. Merci de votre franchise. Merci. Parlons des européennes, les élections européennes 26 mai prochain. Comment expliquez-vous, Éric Coquerel, que votre mouvement, la France Insoumise, soit crédité de 8% dans les sondages, dans les enquêtes d'opinion, alors que Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de la présidentielle, a recueilli 19,58% des voix? Ouais, déjà, on verra. Qu'est-ce qui s'est passé? On verra le résultat à la fin, parce qu'au début des élections présidentielles, on avait un score qui était, selon les sondages, les horoscopes, pas vraiment meilleur. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas Manon Aubry. Non, mais d'accord, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. En termes de puissance de campagne. Mais il est derrière, il le soutient, la liste que conduit Manon Aubry. C'est la liste de France Insoumise et donc aussi la liste de Jean-Luc Mélenchon. Bon, alors pourquoi et vous êtes tous les députés qui sont derrière qu'est-ce de l'Assemblée nationale. Moi, je crois, d'abord une première chose, sur le résultat net. Je pense que les sondages aujourd'hui font partie un peu du problème de la démocratie dans le sens de l'autoréalisation. De plus en plus, j'observe que dis-moi qui commande le sondage, je te donnerai un peu le résultat. Nous, par exemple, on a observé, un des derniers sondages, on nous attribuait 0% du vote étudiant. Vous parlez du sondage BVA, disons les choses. 0% du vote étudiant. Ouais. Nous avons eu le plus gros score à la présidentielle parmi le vote étudiant et tout d'un coup on serait à 0%. Je crois que c'est 0% chez les indépendants et les artisans. Alors quoi? BVA est insincère? BVA triche? Est-ce que vous dites que BVA triche? Je pense que dans les rectifications et dans les calculs qui sont faits, que nous n'avons pas l'occasion de connaître, eh bien, il y a des rectifications qui sont faites et mon sentiment, mon analyse, l'analyse que nous faisons sur tous les sondages, fait qu'on n'est pas au score qui est indiqué. Mais Éric Coquerel, quel serait l'intérêt d'un institut de sondage que de vous spolier? Dites-nous. C'est que comment ça marche les instituts de sondage? Vous savez que selon qui commande le sondage, ce sont souvent des médias, la société, etc. Ouais. Vous pouvez avoir une influence. Si vous le savez pas, c'est un peu problématique. Si vous êtes naïf au point de penser que ça a pas d'influence. Il n'y a aucune naïveté. Je conteste cette vision des choses. Ça ne relève pas de la naïveté. Vous avez tel institut de sondage. Vous avez tel institut de sondage qui donne un résultat. Et en général, vous avez un côté moutonnier par rapport au résultat. Donc je vous le dis, je pense que nous sommes sous-estimés dans les sondages, qu'il y a un problème pour la démocratie parce qu'il y a un côté autoprophétique quelque part. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous avez un sondage avec une force qui baisse, les gens peuvent se dire, je vais peut-être plutôt appuyer celle qui est aussi assez proche de mes idées mais qui est un peu plus haut, etc. C'est comme ça qu'à certains moments qu'on peut faire des résultats et je pense que c'est un problème qui devrait être observé avec sérieux. Salut, c'est Hugo. Vous l'attendiez, la série débute enfin dès aujourd'hui et jusque fin mai. Je vais vous présenter les programmes d'un maximum de listes candidates aux élections européennes. Cette série de vidéos, elle est réalisée en collaboration avec We Europeans, la plus grande consultation civique jamais organisée en Europe pour redonner la parole aux citoyens. Donc l'idée, ça va être aussi de confronter les propositions qui en sont ressorties avec les différents programmes. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de celui de la France Insoumise. Alors, petit rappel, la France Insoumise, c'est un mouvement politique de gauche. Il a été fondé en 2016 par Jean-Luc Mélenchon. C'est Manon Aubry qui sera la tête de liste du parti pour les élections européennes et c'est donc elle qui est chargée de porter le programme de la France Insoumise qu'on va détailler maintenant. Déjà, il faut bien voir qu'entre la France Insoumise et l'Union Européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, eh bien c'est pas vraiment une histoire d'amour. Cependant, pour eux, il n'est pas question d'un Frexit, c'est-à-dire d'une sortie de la France de l'Union Européenne. Ce qu'ils veulent, c'est sortir des traités européens et en négocier d'autres, ça c'est vraiment le point central de leur programme. Les traités européens, c'est des accords conclus entre les pays membres de l'Union, et en gros, ce sont eux qui qui définissent comment fonctionnent les institutions et qui fixent les règles de fonctionnement de l'Union européenne. Le truc, c'est que renégocier les traités, bah ça, un député européen ne peut pas le faire. À la limite, c'est les États qui peuvent le faire. D'ailleurs, Manon Aubry le reconnaît, négocier les traités européens, ce n'est possible que s'ils sont au pouvoir en France. Ce qui est compliqué aussi, c'est que pour beaucoup, si on sort des traités européens, on sort aussi de l'Union européenne. Du coup, c'est un peu ambigu parce qu'on l'a dit, la France insoumise ne veut pas d'un Frexit. En tout cas, en attendant une éventuelle renégociation ou un changement des traités, eh bien la France insoumise propose un plan B, tout simplement désobéir aux traités. Mais alors, pourquoi la France insoumise veut renégocier les traités européens? Eh bien pour eux, la France est complètement dépendante de l'Union européenne et elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Par exemple, ils citent souvent la règle des 3%. La règle des 3%, elle stipule que le déficit public, c'est-à-dire quand l'État a plus de dépenses que de recettes, ne doit jamais dépasser les 3% du PIB. Et ça, tous les États membres de l'Union européenne doivent l'appliquer sous peine d'avertissement et de sanctions, même si dans les faits, il y a pas mal d'États qui peinent à obéir à cette règle. Le but de la renégociation des traités, vous l'avez compris, c'est donc de redonner du pouvoir aux citoyens français. Et pour la France insoumise, ça passe aussi par la possibilité de pouvoir faire un référendum pour mettre fin au mandat d'un politique européen. Autre chose proposée, la possibilité de permettre aux citoyens de déposer une motion de censure pour renverser la Commission européenne. La France insoumise veut aussi mettre en place un système qu'on appelle carton rouge. Concrètement, sans rentrer dans les détails, ça permettrait au Parlement de chaque pays de bloquer complètement un texte de l'Union européenne, alors qu'actuellement, ils ont simplement la possibilité de demander le réexamen des textes. Au niveau écologique, le programme dénonce l'inaction de l'Union européenne et veut une Europe zéro déchet qui utilise davantage les énergies propres, c'est-à-dire tout simplement des énergies qui sont renouvelables. Une des propositions principales, c'est d'instaurer une règle verte, c'est-à-dire d'interdire de prélever plus à la nature que ce qu'elle peut produire. La France insoumise propose aussi, entre autres, la mise en place d'un tribunal international de justice climatique, l'interdiction des perturbateurs endocriniens ou encore interdire le plastique à usage unique et faire payer davantage les entreprises polluantes pour financer la dépollution. Il y a aussi des propositions pour protéger les animaux, comme l'adoption d'une charte de protection qui limiterait par exemple le nombre d'animaux par ferme. D'un point de vue plus économique, la France insoumise veut mettre fin au travail détaché. Alors, qu'est-ce qu'un travailleur détaché? Prenons un exemple, ce sera plus clair. Cyril est bulgare et il travaille dans son pays, en Bulgarie. Un jour, son patron l'envoie faire un travail dans une entreprise d'un autre pays de l'Union européenne. Il est en quelque sorte prêté par son patron à une autre entreprise pour une période limitée. Cyril est donc ce que l'on appelle un travailleur détaché. Alors c'est un système qui est encadré en théorie. Il y a quand même des règles et par exemple, si ce même Cyril travaille en France, il a le droit au salaire minimum et son entreprise d'accueil doit lui rembourser ce qu'il dépense pour se loger ou se déplacer. Sauf qu'il y a beaucoup d'abus et ces derniers droits que je viens de vous citer ne sont pas toujours respectés. C'est pour ça que la France insoumise veut y mettre fin. Le parti veut également instaurer un salaire minimum et un salaire maximum dans tous les pays européens et réduire encore la durée du temps de travail. Aujourd'hui, dans les pays membres de l'Union, le temps de travail ne doit pas dépasser 48 heures par semaine. Pour la France, vous le savez, on est déjà à moins puisque c'est fixé à 35 heures, mais la France insoumise veut réduire ce temps de travail à l'échelle européenne. C'est une mesure qui rejoint d'une certaine façon la proposition ressortie de la consultation de We Europeans. Il s'agit de la proposition 6 qui est proposée par Andriani en Grèce, qui veut protéger les droits des travailleurs dans tous les pays de l'Union européenne. Autre mesure qu'on retrouve dans le programme, faire la chasse aux multinationales qui ne respectent pas le droit européen, ou encore profitent de paradis fiscaux pour payer moins d'impôts. D'ailleurs, il est proposé que des pays européens comme l'Irlande ou encore les Pays-Bas figurent dans la liste noire des paradis fiscaux. Là aussi, ça rejoint en quelque sorte une proposition de We Europeans, celle de Jules, qui est belge et qui a proposé de cesser les niches fiscales accordées aux multinationales. Autre mesure économique, mettre en place un impôt universel. Le principe, il est simple, tout Français qui vit à l'étranger doit payer ses impôts aussi en France. Prenons un autre exemple, Lorraine est française et elle habite en Roumanie, elle paye donc ses impôts en Roumanie où les impôts sont moins importants. En France, elle payait 1000 euros et en Roumanie, elle paye 600 euros. Avec l'impôt universel que veut mettre en place la France insoumise, elle paierait la différence à la France. Autrement dit, elle devrait payer 600 euros à la Roumanie et 400 euros à la France. Dans son programme, la France insoumise prévoit également des mesures pour lutter contre les discriminations et les inégalités. Par exemple, le parti propose de faire reconnaître comme des droits fondamentaux à l'échelle européenne la contraception, l'avortement et la fin de vie assistée. Au niveau de l'éducation, la France insoumise propose d'élargir le programme Erasmus qui permet de suivre ses études à l'étranger, a priori vous le connaissez. En l'occurrence, ils veulent l'élargir à tous les pays francophones, même ceux qui sont hors de l'Union européenne. On pourrait citer par exemple le Canada ou encore la République démocratique du Congo. Elle propose aussi de donner une allocation d'autonomie pendant un an à chaque étudiant européen, et cet argent, il doit l'aider à se former et à travailler dans un autre pays européen. Enfin, sur la question migratoire, la France insoumise veut mettre fin au règlement de Dublin. Aujourd'hui, le règlement de Dublin oblige un migrant à faire sa demande d'asile dans le premier pays qu'il a accueilli. Selon eux, c'est grâce à ce règlement que la France expulse des migrants avant même qu'ils aient posé leur demande d'asile pour les renvoyer ainsi dans le premier pays qui les a accueillis. Et la France insoumise considère que ces expulsions sont souvent accompagnées de violences. Alors là, je vous ai cité les propositions phares, mais bien sûr, il y en a d'autres, notamment sur la manière dont la France insoumise compte lutter contre le terrorisme et préserver la paix. Le lien du programme est dans la description si jamais ça vous intéresse. Du coup, si jamais vous voulez découvrir les 10 propositions ressorties de la consultation de We Europeans, je vous mets le lien dans la description, vous allez voir, c'est très intéressant. On est en plein dans la campagne, il se passe beaucoup de choses, je vous propose de suivre ça directement sur Instagram, dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18h. C'est un bon moyen de rester informé rapidement, donc pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Comme promis, dans les prochains jours, on va voir un maximum des programmes des autres listes, donc pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite. Le loto, ça peut rapporter gros, on connaît tous ce slogan de la Française des Jeux. Le loto, ça peut rapporter gros, mais l'État veut pourtant s'en débarrasser, comme il veut se séparer des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle, Orly et Le Bourget. Et oui, on l'oublie, l'État détient 72% de la Française des Jeux et 50,6% de ADP, le gestionnaire des aéroports franciliens. La Française des Jeux, c'est la quatrième entreprise de loterie du monde, Dans la hiérarchie des participations industrielles de l'État, elle figure à la troisième position, immédiatement suivie par Aéroports de Paris. Bref, c'est du lourd. Pourtant, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, veut céder ses entreprises au privé. Pour cela, il a besoin de modifier la loi. C'est d'ailleurs presque chose faite. Le projet de loi PACTE, examiné depuis la semaine dernière par les députés, prévoit justement d'autoriser la chose. Et comme les députés de La République En Marche ont la majorité, on ne vous fait pas un dessin. Pourquoi vendre ces entreprises? On écoute le ministre de l'Économie. C'est ma vision de l'État actionnaire que je défends dans le cadre du Fonds pour l'innovation de rupture qui a été souhaité par le président de la République. Il suppose des cessions d'actifs pour financer les innovations qui feront la croissance de demain. Et je veux le dire là aussi devant la représentation nationale, je pense que l'État a un rôle bien plus important à jouer comme investisseur plutôt que comme porteur de dividendes. Je pense que son argent est mieux placé lorsqu'il n'est pas bloqué pour gérer soit des hôtels, soit des boutiques de luxe d'aéroports de Paris, mais quand il s'occupe d'investir dans l'avenir de nos enfants, qu'il finance les nouvelles technologies et qu'il finance des innovations que d'autres États, États-Unis et Chine en tête, n'hésitent pas à financer massivement avec des soutiens publics. Nous voulons une nation souveraine dans une Europe souveraine. Nous voulons développer nos propres technologies. Nous voulons un continent européen puissant dont les innovations pourront rivaliser avec celles de la Chine ou des États-Unis. Je vous explique. Avec le produit de la vente, l'État va mettre en place un fonds pour l'innovation de rupture doté de 10 milliards d'euros. La Française des Jeux est estimée à 3 milliards d'euros. La vente d'Aéroports de Paris, pour sa part, devrait rapporter 7 milliards. 7 plus 3, ça fait 10. Ces 10 milliards vont générer chaque année 250 millions d'euros en intérêts, somme qui sera affectée aux aides à l'innovation industrielle. Seulement voilà, en l'occurrence, c'est complètement idiot. C'est ce qu'a expliqué le député socialiste des Landes, Boris Vallaud, à Bruno Le Maire. La privatisation de ces deux entreprises est une aberration économique. Une aberration économique parce que et la Française des Jeux et ADP versent aujourd'hui des dividendes à peu près équivalents au fond que vous envisagez de créer. Pour le dire autrement, céder la Française des Jeux et Aéroports de Paris, c'est un peu comme si un fermier allait vendre ses poules au marché pour s'acheter des œufs avec le produit de la vente. À cette aberration économique vient s'ajouter une aberration politique. La Française des Jeux n'est pas une entreprise comme les autres parce que le jeu n'est pas une marchandise comme les autres. Vous connaissez comme moi les chiffres de l'addiction qui sont chaque année confirmés par l'Observatoire des Jeux. Christophe Blanchard d'Ignac, qui était l'ancien président de la Française des Jeux, estimait lui-même qu'il était difficile d'arbitrer entre les résultats de l'entreprise et la responsabilité sociale de cette même entreprise. C'est cette mise en balance, ce sens des responsabilités qui l'avait conduit à supprimer le jeu Rapido, qui était considéré comme trop addictif en 2014. Qu'en sera-t-il avec un actionnaire privé? Que pèsera la défense du jeu responsable pour les dirigeants d'une Française des Jeux privés face à la tentation de la rémunération des actionnaires? La privatisation d'Aéroports de Paris n'échappe pas non plus à la critique, car elle pose un sérieux problème d'aménagement du territoire. C'est une erreur stratégique également s'agissant d'ADP. ADP est au cœur du projet d'aménagement du Grand Paris, de la région francilienne. Et elle doit rester pour cela propriété d'une collectivité publique. Il y a un risque avéré de réorientation vers une diversification plus rémunératrice de ces activités dans le commerce ou l'immobilier, par la recherche d'une croissance à l'international qui est plus rémunérateur que les tarifs réglementés. Tous les aéroports privés sont plus chers que les aéroports publics et les taxes aéroportuaires risque d'augmenter dans les années à venir. Alors, pourquoi privatiser? Eh bien, pour faire plaisir, par exemple, au groupe Vinci, privé de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et candidat au rachat d'ADP, ce qui permettrait au passage de minorer le manque à gagner que l'État doit verser au groupe de BTP. Mais il y a d'autres candidats, un consortium australien et un groupe américain. Quant au rachat de la Française des Jeux, Stéphane Courby, le propriétaire des jeux en ligne Betclic, et le groupe M6 sont déjà sur les rangs. On l'a compris, l'intérêt général n'est vraiment pas la préoccupation de ce gouvernement. Il se pose en défenseur de la souveraineté nationale, mais il brade le patrimoine de la nation, prisonnier qu'il est de son credo libéral. Ni vision, ni stratégie, juste les vieilles recettes de la vieille droite. Nous recevons Camille, qui a un message d'encouragement pour vous. Oui, bonjour Monsieur Lagarde. Je voulais vous dire un truc qui va vous faire plaisir. Ma mamie va voter pour vous. Alors, je vous cache pas qu'au départ, elle était perdue devant les 33 listes de candidats aux européennes. Elle a juste reconnu Francis Lalanne, mais il est mignon, mais je vais pas confier l'Europe à un bitnik en cuissarde. Alors, faut se mettre à sa place à 90 ans. Mais la semaine dernière, ma grand-mère a aperçu votre affiche. Ça lui a fait un choc. Elle a vu Giscard d'Estaing. Elle me dit, regarde, c'est incroyable, cette affiche n'a pas été arrachée depuis 71. Mais non, mamie, c'est Louis Giscard d'Estaing, c'est le numéro 3 de la liste UDI, c'est le fils de l'autre, c'est Giscard 2, quoi. Mais c'est pas grave, rien que de voir Giscard sur la liste, ça me rappelle l'Europe à 8, c'est quand même plus simple. Et elle ajoute, c'est dommage qu'il passe un peu inaperçu Monsieur Lagarde avec son UDI. Il aurait dû embarquer Julien Lepers sur sa liste, ça aurait fait le buzz. Oui, le buzz, mamie, ouais. Mais elle a raison, regardez, à La République en marche, ils ont bien Bernard Guetta. Oh, Monsieur Lagarde, vous, on voit bien que vous êtes pas un arriviste. Vous êtes en politique depuis 1987 et 32 ans après, vous risquez de vous faire battre par Benoît Hamon. Puis chez vous, en meeting, c'est formidable pour ma grand-mère, chacun a une chaise de devant pour allonger ses jambes. Puis comme elle dit souvent, j'ai toujours été centriste. D'ailleurs, le soir, je bois ma verveine dans un mug avec une photo de Jean-Luc Canuet. Un mug, ouais, une tasse quoi. Et vous l'avez rudement impressionné avec le message que vous souhaitez adresser à Theresa May. You have to decide if you maintain this choice or if you change this choice and you can come back, but totally back. Et quand vous fredonnez l'hymne à la joie, nous, bah, ça nous transporte, quoi. Ça rappelle quand même les heures les plus sombres de la chanson. Mais souhaite, vous savez le chanter, l'hymne à la joie? Essayez pour voir. Parce que c'est ce que votre journaliste m'a demandé. On sait que quand on vote pour le centre, on ne se mouille pas trop. On est un petit peu comme contre tout le monde et à la fois du côté de tout le monde. Et c'est pratique parce que ça aura ennuyé ma mamie de se déplacer jusqu'aux urnes pour voter blanc. Bonjour Marie-Noëlle Lindemann. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice de Paris, cofondatrice de la gauche républicaine et socialiste qui est proche de la France insoumise. Hier, c'était la fête des travailleuses et des travailleurs. Beaucoup de monde dans les rues de France, beaucoup de forces de l'ordre aussi, et des gazages et des matraquages. De quoi ce 1er mai hier était-il le nom ? D'un nouveau début, d'un recommencement, sans doute d'une nouvelle phase de la convergence autour de revendications qui s'expriment de manière très différente sur le terrain social, soit par un engagement syndical, soit à travers les gilets jaunes, soit avec la perspective qu'on ne peut pas rester après tant de journées de mobilisation sociale, avec les propositions actuelles de Macron, des entreprises qui ferment, le pouvoir d'achat qui reste pour une large part de nos concitoyens en berne, et en particulier ceux de la fonction publique. Bref, le moment de reprendre une forme d'offensive, en tout cas de poursuivre une forme d'offensive sociale, mais sans doute avec des formes différentes qui permettent de mieux mêler la tradition militante du syndicalisme, sa spécificité et d'autres formes d'engagement. Je crois que ce mouvement des Gilets jaunes, qui n'est pas fini, mais exige de tous une mutation de nos pratiques politiques, de nos projets politiques, mutation de nos pratiques syndicales ou associatives. Et je crois que ce 1er mai est un moment de transformation qui s'engage. Alors hier, dans les rues de Paris, il y a eu aussi beaucoup de violences policières. Les points fixes du PCF et de Lutte ouvrière ont été gazés. Le service d'ordre de la CGT a été chargé dans une manifestation qui était pourtant déclarée. Est-ce qu'on doit s'inquiéter quant à l'état de notre démocratie ? Bon, ah oui, qu'on s'inquiète de l'état de notre démocratie est hélas une évidence. Je voudrais d'abord dire que pour ma part, tant que j'ai pas des données précises de ce qui s'est passé, moi-même ayant été dans la manifestation, j'ai en effet observé des stratégies de tension. Et la première chose qu'on peut voir dans notre démocratie, c'est qu'on a un pouvoir qui espère se maintenir sur le recours à la peur et à l'ordre en lieu et place du dialogue et de l'avancée collective. Donc ça, je crois que première chose inquiétante, c'est la posture du gouvernement qui croit pouvoir résoudre les problèmes en accentuant les tensions et en surfant ensuite sur, évidemment, la minorité qui est condamnable de Black Blocs mais qui n'est toutefois qu'une minorité. Et d'ailleurs, ça nous interroge beaucoup sur l'efficacité des stratégies policières mises en œuvre. Quand je dis stratégie policière, je ne pense pas aux policiers, je pense à la hiérarchie et à la doctrine gouvernementale qui manifestement n'est pas efficace. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau dérapage, on ne trouve comme solution que de remettre en cause nos libertés publiques et on voit qu'on a beau faire cette échelle de perroquet, ça règle rien sur le terrain. En revanche, j'observe que la France a été condamnée ou en tout cas mise à l'index à la fois de la Cour du Conseil de l'Europe, des instances européennes et de l'ONU. Franchement, pour la terre des droits de l'homme et du citoyen, c'est quand même une honte. Et là, on le doit à l'attitude de M. Macron et de M. Castaner, qui jouent aux apprentis sorciers dans une situation sociale et démocratique qui est délicate, où une allumette peut faire prendre l'incendie, et croient une vision cynique de leur intérêt politique et pas celui de la France. Justement, quand on observe les décisions du gouvernement, lorsqu'on écoute les annonces du président de la République, on a l'impression qu'ils font peu de cas des mobilisations en cours. Est-ce qu'ils ont raison de vouloir appliquer coûte que coûte le programme pour lequel ils croient avoir été élus ? Bon, première chose, c'est qu'ils ont été élus dans des conditions très particulières, dont Emmanuel Macron fait semblant de ne pas vouloir le voir. Parce qu'en réalité, il répond à l'establishment qui a tout fait pour son émergence. Il n'est pas né du hasard qu'on se dit en quelques mois Emmanuel Macron. Non, il est l'homme de l'establishment et qui a tout fait pour préparer son élection. Et donc, il se sent redevable vis-à-vis de ces gens-là et il fait semblant de ne pas voir qu'il n'a fait que 20 et quelques pourcents et que pour être élu au deuxième tour, ça a été une mobilisation contre Marine Le Pen et pas pour le programme d'Emmanuel Macron. Et ce faisant, il crée dans le pays une frustration démocratique dramatique. Qu'Emmanuel Macron ne fasse pas une politique de gauche, ça franchement, personne ne s'en étonne. Qu'il ne fasse pas une politique ultra-sociale, non plus. Mais qu'il soit justement pas dans le dialogue, l'ouverture, la capacité d'écouter la diversité des corps sociaux qui s'expriment, les profondeurs du pays, et qu'il soit là dans son rail de certitude, en plus à contre-temps de l'histoire. Parce que nous sommes dans une période où, partout dans le monde, il y a une espèce de reflux de la vague libérale. Et on est plutôt, même si c'est parfois de façon très négative, comme les politiques de Trump, au moins négatives sur le terrain des libertés, etc. Mais je les entends tous protester sur le protectionnisme. Les États-Unis vont pas mal, au sens, ils vont mal parce que leur système n'est pas le nôtre, c'est pas celui qu'on veut, mais c'est pas la débâcle économique qu'on nous annonce. Donc on est dans cette période de reflux où les gens se rendent bien compte que l'ultralibéralisme et le libéralisme, c'est pas la voie. La France, qui a toujours été un pays résistant parce que républicain, pour qui l'État, c'est quand même un outil au service de l'intérêt général, même quand on le conteste, parce que nous pensons que la politique est au-dessus des règles économiques, le primat du politique et de la souveraineté populaire par rapport à des lois qui seraient comme les dieux des temps modernes, la loi du marché. Bref, le fait que dans notre pays, on ait une république sociale, tout ça fait qu'on résistait. Et Emmanuel Macron, au lieu de percevoir cette identité spécifique à la France, veut lui faire coûte que coûte rentrer dans un moule qui a fait échec partout et qui est en décalage avec ce qu'attendent les Français. Et politiquement, il avait cette alerte qui était son vote qui était faible finalement au regard de la majorité des Français et cette obstination et ce mépris, faire semblant de ne pas entendre, comme si les gens étaient tellement bêtes qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Donc tout ça était hautement inflammable et dangereux, parce que pendant ce temps-là, la France a publié. Alors justement, comment est-ce possible que dans le contexte mondial et général que vous notez, mais aussi le contexte français avec de plus en plus de mobilisation, comment c'est possible que les grands gagnants de cette séquence politique, ça soit Le Pen et Macron ? Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui caracolent en tête des sondages. Oui, enfin, Emmanuel Macron n'a pas beaucoup accentué son... Il n'a pas accentué, avancée. Mais il n'a pas non plus... Parce que son électorat est un électorat qui est, comme je vous le disais, quand vous êtes un quart de l'électorat, il est assez homogène. Il correspond à plutôt des gens bien situés dans la mondialisation, des gens qui pensent que le libéralisme est bon et qui veulent faire marcher, coûte que coûte, les 75% marche ou crève. Mais la gauche fait le boulot ou pas ? Alors, attendez, la deuxième chose, c'est le Front National. Et ce qui est dramatique dans la situation où nous sommes, c'est qu'un peu partout en Europe et dans le monde, l'alternative à la crise du libéralisme, elle est plutôt identitaire, nationaliste, régionaliste, et pas sociale, émancipatrice, de gauche, etc., et solidaire. Voilà, ça c'est la grande question devant laquelle... Est-ce que la gauche française fait son travail ? Non. D'abord parce que la gauche française... paye un très lourd tribut, en tout cas pour celles qui étaient plutôt engagées dans une culture de gauche de gouvernement, lourd tribut de l'attitude de François Hollande, de ses choix, des gouvernements Valls qui ont sur tous les fronts mis à mal les valeurs et les identités de gauche. Et quand vous êtes aujourd'hui, vous parlez de la gauche, les jeunes générations, les gens moins idéologiques, moins tout, je vous dis, c'est quoi la gauche quand on voit ce qu'ils ont fait, la loi travail, des chances de nationalité, privatisation ou en tout cas pas de volonté de réindustrialiser le pays avec une action publique forte. Bref, quand on voit tout ça, eh ben la gauche est en crise de confiance. Le peuple ne la croit plus, ne voit plus qu'est-ce que c'est que son projet et doute de la cohérence entre des valeurs affichées et des actions menées. Donc cette gauche, deuxièmement, elle est émiettée parce que l'implosion qu'a créée la politique de François Hollande, déjà au sein du Parti Socialiste, mais globalement dans toute la gauche, est un mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, souvent on dit « Ah, c'est de la faute de Mélenchon s'il n'y a pas l'union des forces de gauche ». Force est de constater que même entre eux, ceux qui étaient non seulement pas pour être avec Mélenchon, mais parfois pour être contre Mélenchon, ce que je trouve dramatique, parce que pour moi, il n'y a pas d'unité des forces de gauche et ce n'est pas toute la gauche, parce que ça, c'est, on a, pour ceux qui ont connu un peu l'histoire, on se rappelle de ce débat entre Guy Mollet, la SFIO et le PC, en disant « on veut l'union de la gauche, mais sans les communistes ». Et puis, c'est François Mitterrand, parce que justement, et d'ailleurs le Parti communiste, se sont engagés pour l'union de toutes les forces de gauche autour d'un programme, c'est-à-dire des choses qu'on va faire, qui ont permis de sortir de la nasse et de sortir de l'impuissance. Donc, on est aujourd'hui devant une crise d'émiettement, et d'émiettement qui est grave parce qu'il est en écho à ce que racontait Valls sur les deux cultures de gauche irréconciliables. Quand j'entends Glucksmann, quand j'entends Faure ou quand j'entends d'autres, c'est de dire la gauche, elle doit être à notre image parce que nous, on a une vraie culture, les autres, ce seraient des populistes, etc. Et puis, derrière le débat, il y a le débat qu'a engagé la France insoumise, qui est de dire... Certains le caricaturent en disant ils veulent plus la gauche, ils veulent le peuple. D'abord, je réponds que j'ai jamais vu de gauche sans le peuple. D'ailleurs, on voit ce que ça donne quand il n'y a pas le peuple avec la gauche, il n'y a plus la gauche. Et puis, la gauche, elle est pour le peuple. Parce que quel est le fondement de la gauche ? C'est de défendre les plus opprimés, les travailleurs, le monde du travail, ceux qui n'ont pas de capitaux et de rente pour vivre, et de faire prévaloir un intérêt général autour d'un idéal qui est celui de notre République et d'une République sociale. Donc, cette critique sur le peuple qui est faite à Mélenchon et à la France insoumise n'est pas légitime, d'une certaine façon. Mais il est vrai aussi que dans une période où la gauche paraît disqualifiée, il faut faire revenir dans l'engagement, dans la citoyenneté, mais ils sont citoyens, mais je veux dire dans le vote, dans l'application démocratique concrète, toute une série de gens qui s'abstenaient, qui se sentent out de notre vie politique. Et en cela, la question de l'émergence populaire dans notre démocratie est quelque chose de fondamental. Et en cela aussi, le mouvement des Gilets jaunes a incarné une aspiration d'une partie de notre peuple à être entendue, prise en compte et à peser sur les décisions. Donc cette idée opposée peuple et gauche me paraît à devoir être dépassé. Et c'est ce que j'entends quand la proposition de Fédération populaire de Jean-Luc Mélenchon de faire une fédération populaire, c'est-à-dire on reconnaît que c'est plus les cadres anciens et que chacun va pas venir avec son petit logo moi je sais mieux que etc et tout le monde se rallie derrière mon panache blanc. Et en même mais temps, mais vous attendez juste vous c'est un peu ce que vous avez fait avec la gauche républicaine et socialiste. Nous vous on êtes ralliés à la France insoumise. Oui, nous on est enfin ralliés, c'est un terme qui a l'air de oui. dire qu'on abandonne ce qu'on est. Non, on a créé un nouveau parti. On a créé un nouveau parti parce que nous. Mais vous me dites pas de soupe de logo et pourtant la gauche républicaine et socialiste oui, est un nouveau logo. Oui, parce que c'est ce que je vous dis. Mais pour autant, je pense qu'il y a besoin de faire cohabiter une dynamique populaire et l'existence de partis qui sont pas là pour être des appareils clos qui négocient leur position, mais qui sont là comme étant des ferments d'une culture politique, d'une action collective, d'une élaboration collective, parce que ça n'est pas vrai que même dans la gauche, on est homogène. Il y a des cultures différentes. Elles doivent être respectées, entendues et se dépasser elles-mêmes. Nous, on a cette histoire socialiste. Et moi, je ne la renie pas. J'ai adhéré sur les thèses de Jean Jaurès. J'ai adhéré pour être à la fois une gauche de transformation, de contestation et de gouvernement. Donc, j'ai toujours été pour l'unité des forces de gauche. Mais je suis plutôt républicaine. Je crois au poids des institutions qu'il faut transformer, mais il en faut. Bref, c'est une culture politique. Cette culture politique, et d'ailleurs nos amis qui viennent du MRC, qui étaient proches de Jean-Pierre Chevènement, avec lequel nous avons fait ce nouveau parti, c'est aussi cette culture-là de la République jusqu'au bout, voilà. Donc nous avons besoin de partis. Il y a d'ailleurs à la France Insoumise, le PG. Alors Ensemble n'est peut-être pas un parti, mais on peut considérer que c'est un mouvement autonome. Nous avons besoin de cela. Et nous, comme anciens socialistes, anciens du groupe MRC, notre culture socialiste et républicaine, on a justement souffert du fait que le PS l'avait abandonné. Les nationalisations, la justice sociale, les droits républicains, etc. Ça a été pour nous un déchirement de voir comment petit à petit ils étaient mis sous le boisseau. Donc nous avons besoin de partis, mais les partis ne sont pas le seul cadre aujourd'hui qui permettent d'organiser la reconquête et la dynamique populaire et de gauche dont le pays a besoin. Donc là, ce que vous dites, c'est que la fédération populaire, c'est pour quoi ? C'est pour préparer quoi ? Préparer la présidentielle 2022 ? La fédération populaire, c'est redonner à la gauche une capacité à être crédible à tous les niveaux. D'être crédible dans l'action et dans le rapport de force sociale. D'être crédible dans les prochaines élections municipales parce que c'est très important, nos collectivités locales. D'abord, c'est un lieu de démocratie particulier. On l'a vu avec les territoires les plus défavorisés du pays. D'ailleurs, assez peu les banlieues qui sont quand même un vrai sujet, mais aussi tous ces territoires périphériques ou ruraux que avec la métropolisation à outrance et par ailleurs l'appauvrissement des services publics se sentent et sont, faut bien le dire, délaissés. Donc nous avons besoin d'être efficaces aux élections municipales locales et à la conquête du pouvoir parce que Emmanuel Macron, je l'ai rappelé, est élu avec 24-25, je ne sais plus combien il est au premier tour, mais la réalité c'est que si on avait une gauche unie qui remobilise les couches populaires, elle est en situation de passer devant Emmanuel Macron. Donc d'être en situation d'apparaître comme l'alternative, la double alternative à Macron et à Le Pen. Et aujourd'hui, qui est le mieux placé pour incarner l'opposition à Macron ? C'est Jean-Luc Mélenchon, le meilleur candidat pour 2022 ? Pour l'instant, ça me paraît être Jean-Luc Mélenchon. D'abord parce qu'il a quand même mené des combats, il a fait la preuve de sa capacité à être à la hauteur d'un homme d'État. Alors, tout est fait pour le discréditer aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que Jean-Luc n'a pas de défaut, mais vous savez, il se trouve que je ne suis pas une des plus récentes dans la politique. J'ai donc vécu, moi, le congrès d'Épinay en 71. Et je me rappelle toutes les déclarations sur Mitterrand, ce pourri, ce vieux de la quatrième, il n'y a rien à attendre de lui. il était le point focal de toutes les critiques parce que justement il avait déjà été le candidat unique de la gauche, qu'il avait déjà fait sur son score sa personne un très bon score, et il a été la cible de toutes les critiques sans que on soit en situation de voir la moindre tête qui pourrait être une alternative aussi rassembleuse, aussi crédible pour être un homme d'État que ne l'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est tous unis derrière Jean-Luc Mélenchon dès qu'il dit un truc, on est amen? Non. Moi, je ne suis pas pour un président de la Ve République, c'est pas Dieu le Père. Voilà. Je dis qu'aujourd'hui, il est en situation ça. Mais ça doit être. Mélenchon, c'est Mitterrand. En 71. Non, parce que c'est ni la même culture, ni la même période. Et comme je vous ai expliqué que c'était pas la Fédération de la gauche, mais la Fédération populaire, c'est un peu différent. Moi, je voudrais dire que c'est important de constituer des équipes. Je pense que à la fois, ce que on va être devant la question de la constituante, c'est-à-dire franchement la crise démocratique de la cinquième, il faut absolument la résoudre. Et la prochaine présidentielle doit poser cette question de la constituante. Donc le président de la République va pas être Dieu le Père. Mais il faut aussi des équipes et il faut un programme. Alors, il y a le programme L'Avenir en commun, mais il me semble qu'il y a une nouvelle dynamique, justement, qui reprenne beaucoup plus largement la façon d'associer l'ensemble des forces de gauche qu'ils veulent bien et pas ceux qui font semblant d'être pour en fait d'être le bagage accompagné de Macron dans quelques temps, hein, sur le thème « Vive l'Union nationale contre Le Pen ». Ça, je les vois venir gros comme une maison du côté d'une partie du PS. Mais tous ceux qui ont envie que la société se transforme dans cet idéal que moi je qualifie de gauche, hein, de justice, etc., eh ben, nous avons besoin de refonder, non pas de le refonder, mais de retravailler globalement autour d'un programme. Et donc, je pense qu'autour de cette dynamique-là, il y a à la fois des équipes locales, nationales, des personnalités et un contenu nouveau dans les pratiques, dans le contenu de l'action. Et puis, il y a dès à présent des mobilisations à réaliser. Là, on a au Sénat, on va débattre sur la loi Blanquer. Moi, je suis effondrée de l'indifférence relative de nos concitoyens par rapport à la crise de l'école et au statut des enseignants. Et alors que nous savons pertinemment que si on veut relever les défis, l'école et la valorisation du corps enseignant, sa rémunération, ses conditions de travail, sa manière de l'associer pour que les gens ne soient pas des pions qui travailleraient entre guillemets à la tâche, là franchement, donc voilà, il y a des mobilisations, les urgences. Mais c'est pas possible quand même. 23 heures, j'entendais ce matin à Valence là, 20 et quelques heures d'attente dans un brancard dans la France d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire vivre normalement nos urgences? Alors, les 3% de l'Europe, ben franchement, ben, le CICE, là, hein, vous avez vu Auchan, bonjour, il s'est pris 80 millions de CICE et il licencie. Et franchement, c'est pas Auchan qui fait de la compétitivité française. Donc, franchement, là, il y a des marges de manœuvre, il y a des mobilisations à faire, et c'est pas parce que le gouvernement nous fait de la provoque sur l'ordre public, que la question de l'ordre social n'est pas la priorité absolue du moment. Et aux européennes, il y a un vote majeur à faire, un vote anti-Macron, parce que c'est quand même une élection, et parce que Macron, c'est vraiment la mise en œuvre au cordeau de la France dans l'idéologie libérale de l'Union européenne. Deuxièmement, parce que l'Europe, si on ne veut pas qu'elle n'ait comme seule alternative au libéralisme, et Marine Le Pen faut une alternative populaire de gauche, et par ailleurs ça ne sera pas il faut dire la vérité aux Français. Alors moi j'ai été vice-présidente du Parlement européen, donc j'ai été très passionnée, je reste sur le projet, l'idée de faire une Europe. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en réalité, on ment aux gens. Quand on leur dit qu'on va faire un SMIC européen, mais on plaisante. On sait très bien que l'Allemagne a déjà des miettes. Et c'est même pas la Slovaquie qui dit « moi j'ai besoin d'avoir des bas salaires ». Non, non, l'Allemagne, la plus riche, qui dit qu'elle veut pas. Donc, la question du rapport de force en Europe est importante. Aujourd'hui, soit le rapport de force se fait à l'extrême droite, soit il se fait dans la vérité, et c'est en votant pour la liste de Manon Aubry de la France Insoumise qu'on créera en France notre contribution à ce rapport de force. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lindemann. Comment s'en sortir? Comment éviter que ne se répète avec les Gilets jaunes le scénario de novembre 1995, le retrait de la réforme des retraites par le gouvernement Juppé après 3 semaines de grève et de blocage? La Macronie est en plein désarroi. Le patron du groupe parlementaire, Gilles Legendre, a résumé mercredi la situation par cette formule. On en a fait des gestes, on en a fait. Non, ni l'un ni l'autre. Ni faire des gestes, ni rester droit dans ses bottes. En clair, on ne veut rien lâcher, mais il faut qu'on trouve rapidement une issue. Il y a urgence, car si le pays gronde, la majorité parlementaire, elle, est au bord de l'explosion. Ministres et députés redoutent de s'engager dans un bras de fer avec les Gilets jaunes et l'opinion. Chacun, à sa façon, recommande de lâcher du lest. À commencer par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, si taiseux d'ordinaire qu'on en oubliait presque qu'il était encore au gouvernement. Lundi, sur Europe 1, il y est allé de sa petite leçon au Premier ministre et au Président de la République. Il y a d'une part une espèce de sentiment selon lequel la transition écologique est payée davantage par certaines catégories plutôt que d'autres. Et dans la foulée, l'ancien ministre de la Défense de François Hollande préconise la mise en place d'un observatoire des inégalités qui, ajoute-t-il, permettra ensuite d'y remédier. On ne saurait se montrer moins solidaire de l'exécutif. Cette sortie pourrait d'ailleurs préfigurer le départ du dernier poids lourd du gouvernement après celui de Gérard Collomb. Qu'a-t-il à gagner au fond en restant au Quai d'Orsay avec ce président qui ne lui laisse aucune place sur la scène internationale? Au sein du groupe parlementaire, c'est la débandade. Les frondeurs de La République En Marche ne se cachent plus pour reprocher à Emmanuel Macron et à son Premier ministre d'en faire trop pour les riches. On écoute Sonia Crimi, députée LREM de la Manche. Je ne suis pas pour qu'on distribue l'argent pour la terre entière, mais avoir une redistribution juste, une nouvelle façon de voir cette politique économique, ça serait pas mal. Mais il faut parler le langage des gens, voilà. Et la théorie de ruissellement, je n'y crois pas une seconde, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, voilà. Il faut faire un petit peu de sociologie pour voir, et quand on a le pouvoir et l'argent, ben on le garde. C'est l'être humain, il est comme ça, c'est pas moi. Pourtant, mardi matin, le Premier ministre lui-même a participé à la réunion hebdomadaire des députés de La République En Marche. Histoire de mettre au pas les récalcitrants. Mais à l'évidence, le recadrage d'Édouard Philippe n'a pas impressionné grand monde. Personne ne me recadre, donc... non, personne ne me recadre. Il est à sa place, je suis à la mienne. Plus discipliné, le député LREM du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, ancien porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot, y va lui aussi de sa petite musique. On ne va pas rester face contre face comme ça pendant des semaines. La solution, la sortie de crise, c'est renouer le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, avec les citoyens, aussi avec les forces organisées. Et donc on renoue le dialogue et on imagine la suite pour l'ensemble des acteurs, les collectivités, les citoyens qui ont besoin, etc. La réponse, ça doit être des réponses très concrètes. Derrière cette proposition de dialogue, il y a la volonté d'organiser très vite un nouveau Grenelle de l'environnement afin de remettre à plat le dossier de la transition énergétique. Le précédent sommet remonte à 2007. La rencontre rassemblerait politiques, techno, ONG et syndicats. On y parlerait de la fiscalité comme de la rénovation de l'habitat, en passant par les énergies renouvelables. C'est un souhait personnel, je crois que c'est le souhait de beaucoup de députés, c'est le souhait de beaucoup de gens dans la société civile. Maintenant, au gouvernement de répondre présent. Mais voilà, au sommet de l'exécutif, on préfère agiter la matraque. Depuis 5 jours, en effet, les émeutes secouent l'île de la Réunion. Ce qui se passe depuis samedi à La Réunion est grave. Nous avons mis les moyens et allons continuer à les mettre. Nos militaires seront mobilisés dès demain pour rétablir l'ordre public. Nous serons intraitables car on ne peut pas accepter les scènes que nous avons vues, écrit le chef de l'État sur son compte Twitter. Pas question par conséquent de se montrer tolérant en métropole. L'heure est à la castagne façon castaner. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé hier dans l'hémicycle après que le député Jean Lassalle a provoqué une interruption de séance pour avoir enfilé un gilet jaune. Monsieur Lassalle sait par expérience que si le ridicule ne tue pas, moi je pense. Je pense aux deux personnes. Je pense aux deux personnes qui sont mortes depuis samedi. Je pense aux 584 blessés. Je pense aux 110 policiers et gendarmes qui, pour garantir la protection, mesdames, messieurs les députés, la protection du droit fondamental de manifester, se sont retrouvés blessés. C'est cela la réalité. Je remarque que M. Castaner, ça fait 3 jours maintenant qu'il s'est spécialisé dans la provocation et les menaces de répression. Alors, Je sais pas s'il est dans son rôle, mais ça le grandit pas, quoi. C'est le ministre de l'Intérieur qui instrumentalise les victimes. Ah, c'est lui qui est là, qui vient de les instrumentaliser, oui, c'est clair. Et c'est lui qui est en train de faire monter l'ambiance, quoi. C'est-à-dire, à force de... Vous savez, ça me rappelle ce qu'ils ont fait pour le mouvement social, quoi. Hein. Voilà, on craint les débordements, puis un jour, on apprend que M. Benalla est dans une manifestation et casse la gueule à des manifestants. Et ben là, j'ai l'impression qu'ils font la même chose avec les gilets jaunes. Et, ils commencent à dire, oui, il y a radicalisation, comme par hasard, il y a quelques débordements, et lui, il en remet une couche. Voilà, donc je trouve que c'est une vieille tactique pour freiner les mouvements. Ça marche pas, d'abord, mais ça grandit pas ceux qui l'utilisent. Pour l'heure, l'appel à manifester place de la Concorde est maintenu. Tous les sondages réalisés ces jours-ci montrent que l'opinion demeure très largement favorable au mouvement des Gilets jaunes, en dépit des incidents. Le président du groupe FI, Jean-Luc Mélenchon, lors des questions au gouvernement, a exhorté le Premier ministre à autoriser la manifestation. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, en France, notre pays passionné d'égalité et de fraternité, il n'y a pas d'ordre public possible, ni même souhaitable, sans justice sociale. Et c'est de cette façon qu'il faut comprendre la puissance et l'étendue du mouvement dit des Gilets jaunes que nous voyons se déployer dans tout notre pays, que ce soit dans l'Hexagone, dans les dom-toms ou à cette heure même à La Réunion. Je suis obligé de vous dire, samedi paraît-il, vous avez l'intention d'interdire la manifestation que les Gilets jaunes ont appelée. Oh, beaucoup d'entre nous seront à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Mais nous irons, je vous le dis, les Insoumis iront dans ces manifestations. Alors, Monsieur le Premier ministre, permettez que la démocratie sociale et la démocratie parlementaire se retrouvent. Permettez la manifestation. Après 24 heures de tergiversation, la place Beauvau a finalement autorisé la tenue d'un rassemblement sur le Champ de Mars. Sur la rive gauche de la Seine, donc à bonne distance de l'Élysée. Les Gilets jaunes se satisferont-ils de cette concession? Ce n'est pas certain. Leur objectif reste les fenêtres du palais présidentiel, afin qu'Emmanuel Macron les entende distinctement crier leur colère. Thank you. Hier soir, mercredi, rue Royale à Paris, Éric Drouet a été interpellé par des CRS et une compagnie d'intervention tandis qu'il manifestait avec des gilets jaunes. C'est la deuxième fois en quelques jours que les forces de l'ordre se saisissent ainsi de cette figure médiatique. Officiellement, il est reproché à Éric Drouet d'avoir organisé une manifestation non déclarée. Comment ne pas être choqué par cet acharnement au moment même où Alexandre Benalla bénéficie d'une mansuétude qui lui permet de narguer jusqu'au chef de l'État? Que n'a-t-on dépêché à son domicile, en temps et en heure, les mêmes fonctionnaires zélés pour récupérer les passeports diplomatiques dont il use et abuse? Pour forcer sa porte lors de la tentative de perquisition de son domicile en juillet dernier? Pour ouvrir le fameux coffre-fort disparu? Ah, si seulement Benalla avait porté un gilet jaune. Pourtant, lundi soir, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, le président nous assurait avec détermination que « L'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Car j'attends de chacun ce respect indispensable à la vie en société. » Complaisance, il y a assurément, pour ne pas dire connivence. Au point que la commission des lois du Sénat, qui s'est constituée en commission d'enquête sur l'affaire Benalla, a officiellement demandé des explications à Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et à Emmanuel Macron. À l'Assemblée, en revanche, la commission des lois, dirigée par Yael Braun-Pivet, a refusé mardi dernier la tenue d'une nouvelle réunion de la commission d'enquête parlementaire sur Benalla, comme l'avaient demandé les députés socialistes. Est-il besoin de préciser que Yael Braun-Pivet, député des Yvelines, appartient à La République En Marche? En attendant de découvrir ce qui relie au-delà de toute logique Benalla et le chef de l'État, il est de plus en plus évident que le pouvoir se prépare à la confrontation avec les Gilets jaunes, quand bien même il nous promet un grand débat. Car sinon, pourquoi disqualifier le mouvement le soir des vœux à la nation? Certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Le peuple est souverain. Il s'exprime lors des élections. Il y choisit des représentants qui font la loi. Précisément parce que nous sommes un État de droit. Un État de droit que l'exécutif entend bien aménager à sa convenance, au nom de la sécurité, bien sûr. Il y a quelques semaines, j'avais consacré une édition de cette chronique à la proposition de loi du sénateur LR Bruno Retailleau visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs. Un texte qui a été adopté en première lecture par le Sénat au mois d'octobre. J'avais expliqué à l'époque en quoi ce projet de loi ressuscitait la défunte loi anticasseurs qui introduisait le principe de responsabilité collective. Au lendemain des manifestations du 1er décembre, Christophe Castaner et Laurent Nunez ont confirmé devant la commission des lois qu'ils comptaient bien faire évoluer la loi dans cette direction. On voit qu'on a des doctrines qui ne sont plus qui n'ont plus adapté à la réalité des violences dont on fait l'objet. Il nous faudra revoir à la fois notre doctrine d'emploi et à la fois les conditions d'emploi. Nous allons nous y atteler. Et sur le cadre légal, Laurent Nunez pourra l'évoquer parce qu'il était pour le gouvernement présent au premier examen qui a eu lieu de la PPL Retailleau. Concernant très rapidement donc, ce qui a été dit sur l'évolution du cadre légal du droit de manifester, donc sujet délicat, liberté d'expression versus respect de donc règles constitutionnelles, versus respect de l'ordre public. Vous dire que j'ai eu l'occasion d'exprimer la position du gouvernement, comme le rappelle le ministre de l'Intérieur, lors de l'examen au Sénat de la proposition de loi du président Retailleau, et qu'à cette occasion, nous avons précisé que la position du gouvernement était de poursuivre la réflexion sur ce thème dans le cadre d'un groupe de travail qui réunit les principaux responsables des forces de l'ordre, et qu'il y a un certain nombre de mesures qui méritent sans doute d'être retravaillées pour savoir si nous modifierons ou pas les textes, mais telles que celles de créer des périmètres de protection permettant des contrôles, surtout la possibilité à l'autorité administrative d'interdire un certain nombre d'individus à participer à des manifestations, pardon, ou la transformation encore en délit de la contravention, donc de participer à une manifestation avec le visage dissimulé. Donc voilà, donc nous sommes en train de travailler sur ce sujet, comme nous l'avons dit, dans le cadre d'un groupe de travail dont nous rendrons compte au début de l'année 2019. Dans les faits, la doctrine du maintien de l'ordre a déjà passablement changé. Longtemps, le principe directeur a été celui de la désescalade. Il ne fallait pas que l'intervention des gendarmes ou des policiers génère davantage de troubles que ceux qu'elle devait stopper. C'était une logique de paix civile. Avec le mouvement des Gilets jaunes, nous sommes entrés dans une logique de militarisation du maintien de l'ordre sur le modèle américain. Il s'agit désormais de dissuader les manifestants de descendre dans la rue en menaçant leur intégrité physique. La vingtaine de Gilets jaunes éborgnés par des lanceurs de balles de défense ou mutilés par les grenades GLIF-4 ne sont pas des dommages collatéraux. Ce sont les instruments, à leur corps défendant, cela va de soi, d'une nouvelle stratégie de réponse volontairement disproportionnée. Sidérer les manifestants, faire peur, voilà l'objectif du ministère de l'Intérieur. La guerre psychologique est en train de se substituer au maintien de l'ordre républicain. Sinon, pourquoi ce déploiement ostentatoire de matériels abandonnés ou inusités dans l'histoire du maintien de l'ordre en France? Chevaux, chiens, tractopelles, blindés, motards, unités antiterroristes comme la BRI. Jusqu'à la confirmation par la gendarmerie elle-même que certains de ces blindés étaient capables, en dernier recours, de vaporiser du gaz CS, le gaz lacrymogène, en forte concentration et sur des surfaces étendues en quelques secondes, au prix, certainement, de plusieurs morts. Pourquoi encore le ministère de l'Intérieur a-t-il lancé le 23 décembre un appel d'offres pour l'acquisition de 1280 lanceurs de balles de défense, dont 270 lanceurs à 4 coups, et 180 lanceurs à 6 coups? En janvier 2018, le défenseur des droits, Jacques Toubon, dans son rapport remis à l'Assemblée nationale, préconisait l'interdiction du lanceur de balles de défense dans les opérations de maintien de l'ordre. Le LBD, écrivait Jacques Toubon, est susceptible de blesser grièvement un manifestant, d'engager la responsabilité du tireur et d'entraîner des réactions imprévisibles de la part des manifestants, témoins d'une blessure grave occasionnée par des policiers à un manifestant, que le tir soit conforme ou non aux règles d'emploi. On peut craindre que ce soit là désormais l'objectif d'un pouvoir qui ne voit plus son salut que dans l'épreuve de force. Tant d'alcool et de femmes accouchées dans mon lit, que ça ferait un drame avec ma légitime. La ligne de mon cœur va comme un fleuve en crue, où des filles en fleurs aiment se baigner nues à mes joies maritimes. Et j'irai me perdant à leur tendre océan, comme ces marins qui n'en repartirent plus, ou ces peintres maudits que les dieux ont élus. Moi qui n'aime que moi les chansons d'amour, moi qui n'aime que moi, je chanterai un jour ce que je fus vraiment, ce que je fus aussi, et la vie de gitan qu'un gitan m'a prédit. M'a prédit la fortune et la gloire, le jour où mon génie entrerait dans l'histoire, quand sonnera mon heure. Ma ligne de succès va comme une rivière qui partit des sommets, descend jusqu'à la mer, vers des aubes meilleures. Et j'irai en héros au milieu des bravos, comme ces peintres morts qui ne les eurent pas, ou ces marins au port pour qui sonne le glas. Moi qui n'aime que moi et les chansons d'amour, moi qui n'aime que moi, je chanterai un jour ce que je fus vraiment, ce que je fus aussi, et la vie de gitan qu'un gitan m'a prédit. Un gitan m'a prédit tout ce dont vous rêvez, de l'argent, des amis, des femmes à mes pieds, sans la moindre décence. De ma ligne d'amour, il ne m'en a rien dit, et comme alors le jour se levait sur Paris, il y eut un silence. Nous nous sommes saoulés pour fêter le passé, passer, comme ces marins qui revivent leurs 20 ans, ou ces peintres guéris qui perdent leur talent. Moi qui n'aime que moi les chansons d'amour, moi qui n'aime que moi, je chanterai un jour ce que je fus vraiment, ce que je fus aussi, et la vie de gitan qu'un gitan m'a prédit, qu'un gitan m'a prédit. Si on avait réglé cette histoire de surtaxe des carburants quand l'affaire est apparue en novembre, voilà, ça se serait terminé. Mais non, il a fallu qu'il traîne, qu'il se fasse arracher. Et une fois qu'il s'était fait arracher, pas de peau, entre-temps, les gens avaient réfléchi et tout d'un coup avaient compris qu'il y avait un lien entre cette situation particulière et la question politique en général. Donc ils se retrouvent à avoir sur les bras une crise politique générale. Des milliers de gens, qu'ils soient ou non aux Gilets jaunes, hein, se disent « ça va pas un système pareil ». Donc, il a fait une série d'annonces, et comme vous le savez tous, n'est-ce pas, ce qui fait un collier, ce n'est pas les perles, c'est le fil. Et le fil, il n'y en a pas. Il a fait une collection de choses comme ça qu'il a trouvées. Alors, est-ce que vous imaginiez, vous, qu'on allait faire le mouvement des Gilets jaunes pendant 23 semaines pour fermer l'ENA ? C'est absurde. Donc, il a fait une série de propositions et il réunit le gouvernement. Le Premier ministre a du mérite, hein, parce que pour arriver à faire une politique qui change tous les trois mois la forme du budget et le contenu des orientations, on voit que quelque chose est devenu fou dans la décision politique. Mais le point de départ, c'est que l'élection présidentielle n'a rien purgé. On se retrouve avec les mêmes problèmes qu'il y a deux ans et on a l'impression que le pays n'a pas donné son mot. Voilà. Maintenant, ce qui est réclamé, c'est qu'on ait dans ce pays à la fois une stabilité des institutions et une capacité d'intervention populaire. Bon sang, c'est pas la mort de trouver une formule qui réponde à ça. C'est ce que les gens ont essayé de lui dire avec le référendum d'initiative citoyenne. Alors il n'en veut pas. Bon, tant pis, il sera obligé de la faire. Hein, parce que la modernisation politique de notre société passera pas à côté de ça. Et ce grand changement des règles du jeu, que nous on appelle une constituante, hein, une assemblée constituante pour que les gens eux-mêmes redéfinissent quelles sont les règles du jeu. On ne peut pas gouverner un pays, si vous voulez, il y a une manif par semaine, pendant 24 semaines, et où personne n'a l'air de savoir par quel bout on règle les problèmes. Hein, c'est un reproche à personne que je fais. Mais la démocratie, c'est aussi un gage de stabilité. Pour ça, il faut que la décision des gens soit claire et entendue. Puis il faut surtout qu'ils aient l'impression que ça sert à quelque chose. Pierre Devineau. David Doucan, vous recevez ce matin Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et membre de la Commission des Finances. Bonjour Éric Coquerel. Vous avez entendu samedi ces slogans hurlés par des manifestants à l'attention des policiers. Suicidez-vous. Vous les avez entendus ? Non, j'étais pas dans les manifestations, donc je les ai pas entendus. Vous les avez entendus à la télévision? Oui. Je vais vous répondre. Je constate qu'il n'y a pas de réaction de La France Insoumise, ni de Jean-Luc Mélenchon, ni de personne. Je suis là. Est-ce que vous condamnez ces slogans? Avant que ça devienne le sujet de polémique dont on va parler, je voudrais dire que 28 policiers suicidants, c'est absolument terrible depuis le début 2019. Et ce que je remarque, c'est que Castaner, enfin, le ministre de l'Intérieur, a expliqué que c'était dû au métier. Donc il y a une reconnaissance des responsabilités de l'État. Je dis ça parce que il y a pas, figurez-vous qu'il n'y a pas d'étude, en réalité, d'audit sur les raisons de suicide de policiers au ministère de l'Intérieur. Et je ne peux pas, je vais vite, je ne peux pas ne pas en même temps penser au fait que à peu près partout dans les missions liées à l'État ou des missions liées au service public, le nombre de suicides augmente depuis quelques années. La SNCF, ça a été terrible. L'année dernière, ça a été une année absolument noire sur des lieux de travail. Les enseignants, les pompiers, dont tout le monde se félicite de leur présence, c'est une augmentation continue. Et pour moi, je crois qu'il y a un rapport, si vous voulez, entre la pression de plus en plus forte faite sur les serviteurs de l'État dans des entreprises publiques qui deviennent de plus en plus privées. Et le risque psychosocial. Voilà. Et je voudrais quand même dire quelque chose par rapport à ça, parce que je crois que c'est ça un des gros problèmes que vivent aujourd'hui ceux qui servent l'État. C'est dit, et donc je vous appelle à la cohérence, voilà. Lorsque des manifestants hurlent des slogans haineux vis-à-vis des policiers en leur disant « suicidez-vous ». Et hier, la gendarmerie de Landivisiau, en Bretagne, tagué « flic suicidé à moitié pardonné », pouvait-on lire sur le mur. Comment se fait-il que Jean-Luc Mélenchon soit silencieux? Comment se fait-il qu'aucun responsable de la France Insoumise n'ait réagi? Chaque mouvement, non, c'est pas vrai, il y a eu des réponses ce week-end, mais Jean-Luc Mélenchon est totalement silencieux. Donc, allez-y. Bon, sinon, vous n'allez pas en profiter. Allez-y. Donc, moi, je crois que, vous savez, chaque mouvement de ce type, à un moment donné, suscite des slogans qu'on revendique pas pour la suite. Votre radio, je sais pas, mais enfin, les médias, par exemple, célèbrent les 50 ans de 68, CRSSS. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas une intelligence folle. Je pense que les CRS à l'époque, dont je rappelle, ils avaient été créés souvent à la résistance, après la résistance, après la libération, devaient le vivre plutôt mal. Donc pour vous, c'est consubstantiel des mouvements sociaux. Non, ça. Je vous dis juste, à un moment donné, vous ce genre de phénomène, vous avez quelques personnes, parce que moi, je me suis renseigné quand même. On me dit que c'est quelques dizaines de personnes sur des milliers qui ont des slogans qui sont évidemment que je condamne, que je n'accepte pas. Dis donc, il vous aura fallu 3 minutes. Mais bien sûr. Non. Mais excusez-moi, mais il faut 3 minutes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'un autre côté, je reparle de 68. En 68, il y avait un préfet de police appelé Grimaud, d'accord, qui appelait ses hommes à la retenue, d'accord, par rapport au maintien de l'ordre. Et là, à l'inverse, on a un gouvernement qui joue l'escalade chaque week-end. Donc le contexte est différent. Figurez-vous que le mouvement des Gilets jaunes, c'est le mouvement qui a été le plus réprimé de la Ve République. Il y a pas longtemps, la semaine dernière, j'étais avec un jeune, il s'appelle Sébastien Maillet, dans le 95, Val d'Oise, manifestation. Il n'a plus de main, définitivement, d'accord. Il y a un syndicat de police qui a dit c'est bien fait pour sa gueule. Quelques jours après que ça lui est arrivé. Donc, je trouve que quelque part, la montée, en réalité, l'escalade dans ces manifestations, et notamment en termes de répression policière, voulue par l'État, assumée par l'État, légitimée par l'État, qui fait qu'on raconte que ce week-end, par exemple, maintenant des manifestations autorisées à Toulouse, à Paris, sont de plus en plus réprimés immédiatement. On fait absolument pas le tri entre les quelques personnes venues en découdre et le reste des manifestants. Et je trouve que le contexte n'est pas sain. Ouais. Ce contexte n'est pas sain, je vais vous le dire. Ouais. Je pense que le principal responsable, c'est le gouvernement qui joue avec ses violences. Suicidez, voilà, c'est la faute du gouvernement. Non, c'est pas ce que j'aime dire. Étonnant. Une enquête. Non, mais Éric Coquerel. Éric Coquerel. Voilà, vous me faut 3 minutes pour répondre. Je n'ai évidemment vous pas dit ça. Je ne vous ai même pas encore interrogé. Je dis que le contexte de violence, moi, ça ne me satisfait pas quand il y a plus de 20 personnes qui ont été éborgnées. Quand il y a 5 mains coupées après un bilan de manifestation. Les enquêtes sont ouvertes sur tous ces cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous condamnez le fait qu'il y ait des mains coupées? Des enquêtes. Des gens éborgnés? Eric Coquerel, des enquêtes administratives sont ouvertes sur chaque cas de violence policière supposée. Tiens, j'aimerais savoir. Il y a une enquête. C'est une bonne question. J'aimerais savoir où en est l'enquête administrative sur le policier à Toulon qui frappait des manifestants qui étaient tenus en même temps. Où en est-elle, celle-là? Passons à un autre sujet d'actualité parce que nous verrons si la France Insoumise. Vous avez noté Éric Coquerel, vous êtes difficile. Ah oui, bien sûr. On passe à autre chose. Vous m'interrogez pour ça. On vous interviewe, vous répondez à ma question. C'est pas les policiers que je mets en accusation en premier, c'est le gouvernement qui fait des ordres politiques. Bien compris. Et je tiens à que ça soit entendu. Il y a aussi la responsabilité individuelle des gens qui ont hurlé ceci. Une enquête a été ouverte. Une enquête a été ouverte pour les retrouver et les inculper. On passe à autre chose parce que on aimerait savoir si la France Insoumise est dans une opposition constructive avec peut-être parfois la capacité de reconnaître que certaines initiatives sont positives. Depuis ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lance un test sur 8 académies, les petits déjeuners à l'école, pour que les enfants, parmi les populations les plus fragiles, n'aient pas le ventre vide et n'aient pas un petit creux à 10 heures qui les empêche de se concentrer. Que pensez-vous de cette démarche? Alors, toute initiative dans ce type va dans le bon sens. On est pour les cantines gratuites. Là, on pense que les gens doivent pouvoir manger à l'école. Parfois, vous savez, pour plein de familles, c'est le seul repas. et ça va peut-être vous étonner, mais à certains moments, malgré, bon, il y a des régions, la région de Fond, sous l'ancienne majorité, a voté le fait qu'il y ait un quotient dépendant de vos revenus, mais enfin, il y a des gens pour qui un repas à 2,50€, ça reste trop élevé. Bien sûr. Bon. Donc, bien sûr que c'est, mais moi, ce qui m'embête un petit peu dans l'annonce. Allez-y. Je vais dire, c'est allez-y, parfait. Allez-y. Je vais dire que tout va bien. Allez-y. Non, chez Monsieur Blanquer, ce qui me pose problème, c'est qu'à certains moments, vous avez des effets d'annonce, des expériences de ce type, et puis d'un autre côté, vous avez un bilan au niveau de l'éducation nationale. Là, on parlait tout à l'heure de suicide. Vous savez que chez les enseignants, il y a beaucoup de suicides, justement parce qu'eux aussi jouent quelque part un rôle d'amortisseur social, de plus en plus difficile à jouer. Et globalement, l'éducation nationale, moi je vois dans Seine-Saint-Denis, ne va pas bien. Ouais. Et Monsieur Blanquer n'arrête pas de nous dire « Ah mais non, tout va bien, tout est extraordinaire », alors que par exemple, pour dédoubler des classes, il prend des enseignants sur des classes, il en remet sur d'autres, et du coup, vous déshabillez Paul pour habiller Jacques. Donc, cette politique globale faite avec de la communication ne cache pas le fait qu'il y a un mauvais état global de l'éducation nationale après plusieurs lois successives. Le dédoublement des CP, des CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas une bonne idée. Oui, c'est ce que je vous dis. Ça améliore tout de même les conditions d'éducation de nos enfants. Ça serait une excellente idée si dans le même temps, avec ces enseignants étaient des postes complètement créés qu'on n'allait pas chercher ailleurs. Et c'est ce qui se passe. Alors venons-en à la campagne des européennes. C'est le 26 mai que l'on vote en France pour cette élection. Comment expliquez-vous, Éric Coquerel, que la liste de Manon Aubry, la France Insoumise, ne dépasse pas les 10%, ça dépend des sondages. Dans certains, elle est à 7,5%, dans d'autres, à 9,5%. C'est de plus en plus proche de 9,5%. Enfin, ça plafonne en dessous de 10%. Mmh. Jean-Luc Mélenchon, avril 2017, 19,58%. Ouais. Que s'est-il passé? Alors, il ne vous a pas échappé qu'entre les deux, il y a eu les législatives. Ouais. On était à 11%. Ouais. D'accord, donc ouais. On passe pas de 19% à un score qui n'est pas un score, puisque comme vous l'avez dit, c'est des sondages. La dégringolade a commencé tôt. Par exemple, je vais vous dire une chose bizarre dans les correctifs. Ouais. Mais dans les correctifs, c'est que on nous dit, les boîtes de sondage à qui on dit c'est un peu bizarre vos chiffres, et les boîtes de sondage nous disent, ah mais oui, mais on fait un correctif en fonction du nombre de vos électeurs qu'on estime aller voter. Et par exemple, ils nous minorent. Le correctif, ça divise par deux votre socle? Non, j'ai pas dit ça. Alors. Mais attendez, ça le divise un peu. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre. Est-ce que vous avez la bonne stratégie? Est-ce que vous réfléchissez à votre stratégie? Bien sûr. On n'arrête pas. D'excellentes nouvelles de notre campagne, c'est que les meetings sont pleins. Les réunions sont pleines. Madame Loiseau, l'autre jour, a fait un meeting régional à Lille. Elle est très haut dans les sondages. 40 personnes. D'accord? Nous, nos meetings sont pleins. Donc, ça nous étonne un peu qu'on nous fasse un correctif comme ça d'après, soi-disant, nos électeurs qui seraient ceux qui se déplaceraient le moins le 26 mai. Donc voilà, je vous le dis. Je pense qu'en réalité, notre résultat pour l'instant est meilleur que ce qu'on annonce. Et ce que j'observe dans tous les sondages, quasiment tous, c'est qu'ils sont en progression. Mmh. Ça m'intéresse. Ce sera quoi un succès? Donc, à grade 26 mai. Ce sera quoi un succès le 26 mai pour vous, pour la France Insoumise? Déjà, d'être à nouveau dans les quatre grandes forces politique comme nous l'étions à la présidentielle. Et pourquoi? Parce que je pense que pour le pays, il serait très mauvais de laisser s'installer l'espèce de scénario politique auquel rêve Monsieur Macron, c'est-à-dire lui face au Front National. Mmh. Au Rassemblement National, pardon. C'est ça dont il rêve. Et je crois que c'est important de montrer justement qu'il y a une autre alternative. Pour le coup, réellement progressiste, et non pas réactionnaire comme lui, qui se propose aux Français. Alors justement, en parlant de cette confrontation que vous venez d'évoquer, on apprend dans Mediapart que Nathalie Loiseau, la tête de liste La République En Marche, était candidate lorsqu'elle était étudiante à Sciences Po sur une liste d'extrême droite, ça s'appelait l'Union des étudiants de droite, c'est un succès d'année du GUD en réalité à l'époque. Elle dit qu'elle n'avait pas regardé le contenu idéologique de cette liste. Que pensez-vous de cette révélation? Figurez-vous, ce qui m'inquiète le plus, c'est sa réponse. Parce que en deux temps, c'est une réponse en deux temps. Ouais, mais une erreur. D'abord, c'est un faux. Le document est un faux. Et maintenant, elle dit, j'ai mal vu. D'accord. J'avais pas vu. Bon, donc, voilà. Mais c'est une erreur de jeunesse ou c'est un péché capital? Non. Une erreur de jeunesse, c'est possible. Vous vous trompez à un moment. Il y a des gens qui sont passés de la droite ou de l'extrême droite à la gauche. C'est arrivé dans l'histoire. Donc, on peut supposer. Bon, elle s'en est loin. Mais par contre, le fait qu'elle nous explique que dans l'école où elle était à ce moment-là, donc c'était pas une collégienne, Sciences Po. Elle n'est pas vue que c'était une liste. Je crois que c'est une liste proche du GUD. C'est un succès d'année du GUD. Il y a aucun étudiant, d'accord, même les moins politisés possibles, qui ne savent pas qui était le GUD. Donc ça, c'est ça qui me gêne profondément. C'est quoi, c'est un mensonge pour vous? Écoutez, je sais pas, vous êtes étudiant, vous faites sciences politiques et vous dites, je ne savais pas que c'est l'extrême droite. Ça m'inquiète profondément. Éric Coquerel, député La France Insoumise, merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Jeudi dernier, Emmanuel Macron, le président qui a commencé en marchant sur l'eau mais qui va terminer en marchant sur des œufs, a prononcé cette phrase. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Alors, dans une gare, donc, on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Qu'est-ce qu'a voulu dire exactement Jupiter Junior ? Déjà, analysons la première partie de la phrase. Dans une gare, on croise des gens qui réussissent. Mais qui réussissent à quoi ? Réponse A. On croise des gens qui réussissent à avoir leur correspondance. Réponse B. On croise des gens qui réussissent à faire un sandwich Paul ou brioche dorée mangeable à moins de 5 euros. Réponse C. On croise des gens qui réussissent à avoir une information sur le retard des trains. Ou alors, le président parle effectivement de croiser des gens qui réussissent leur vie. Mais comment ça se reconnaît dans une gare, une personne qui réussit sa vie ? Est-ce que c'est une femme hyper bien sapée avec un mec splendide, des enfants magnifiques qui l'accompagne sur le quai en lançant des pétales de rose au-dessus d'elle ? Moi, dans une gare, je croise surtout des gens qui prennent le train. Mais je ne dois pas prendre le train dans la même gare qu'Emmanuel Macron. Donc, dans cette gare, d'après Emmanuel Macron, il paraît qu'on croise aussi des gens qui ne sont rien. Moi, on m'a déjà dit qu'il y a des matins où je ne ressemble à rien. Mais dire de quelqu'un qu'il n'est rien, c'est aussi délicat qu'un burger avec de la tartiflette. Et puis, si on n'a pas réussi, est-ce qu'on est forcément rien ? Si ton enfant n'a pas réussi à avoir son bac, tu vas lui dire, bah du coup, t'es rien. Un chômeur, il n'est pas rien, c'est juste qu'il ne trouve rien. Un SDF, il a rien, mais il n'est pas rien. Donc, dans la pensée macronienne, on a l'impression que les gens qui réussissent seraient supérieurs à ceux qui échouent. C'est pas parce qu'on a tout qu'on est quelque chose. Beaucoup de gens ont le cœur bien plus grand que leur compte en banque. Ouais, c'est moi ça. C'est pour ça que t'es tout le temps en découvert. Et puis il y a réussir sa vie et réussir dans la vie. Je connais des gens qui ont tout mais qui ont l'impression de n'avoir rien car ils sont seuls. Je connais des gens pauvres qui sont riches de l'amour qu'ils donnent autour d'eux. Ça et... c'est moi. Enfin, toi tu distribues l'amour ouais, à tout va. À tout va. Et il y a des gens qui ont tout et qui n'aiment rien et d'autres qui n'ont rien mais qui donneraient tout. Oui, quand on est aimé et qu'on aime, on n'est pas rien. Monsieur Macron, on est plein, on est rempli. Il ne faut pas confondre l'être et l'avoir. Vaut-il mieux avoir sans être ou être sans avoir ? Oh là, je te mets 19 en philo. Non, je sais. C'est un peu sophistiqué, mais j'essaie de m'adapter à notre nouveau patron hein, qui arrive de Radio France aujourd'hui et qui veut élever le niveau de la station. Ah bah c'est gagné. Et enfin, il n'y a pas d'un côté les gens qui réussissent et ceux qui ratent. Moi-même, qui suis considérée comme quelqu'un qui a réussi dans le milieu de l'humour et du mannequinat. Oui. Si vous saviez tout ce que j'ai raté. Ah oui, j'ai raté imagine. Des examens, j'ai raté le permis, j'ai raté le bac, le bac piscine, j'ai raté des trains, j'ai raté des rendez-vous amoureux, j'ai raté des skates, j'ai raté des régimes, j'ai raté mon brushing ce matin. Mais là, je crois que ça se voit. Oui. Ouais. Vous voulez t'en parler. Il y a des moments où l'on réussit, des moments où l'on rate. L'important, c'est de participer. C'est pas de moi, c'est de Joe Wilfried Tsonga. Mépriser ceux qui n'ont rien quand on est quelqu'un qui a tout, ça n'est pas rien. Pour en finir avec cette malheureuse métaphore ferroviaire, monsieur le président, je vous rappelle cette phrase de Paul Coelho, la vie c'est le train, pas la gare. Je vous propose, et maintenant je vous propose une petite revue de presse, découverte Vosges Matin, uniquement Vosges Matin, et uniquement Vosges Matin du mercredi 15 mai 2019, une fois n'est pas coutume. Souvent je fais un saut dans le passé, on va chercher des articles qui ont 1, 2, 3 mois d'ancienneté pour voir si les choses ont évolué entre temps. Hein, et puis, bon, ben voilà, là, cette fois-ci, on va s'en tenir à l'actualité toute chaude. Alors, Girancourt, nature, découverte du dortoir à chauve-souris, abrité par le fort. Voilà, un dortoir à chauve-souris, c'est très bien. Domèvre-sur-Avière, atelier sur les plantes comestibles et médicinales. Ouais, intéressant, hein. Ah oui, il se passe des choses dans les Vosges, vous voyez. Téléfilm, moins grosse, entre guillemets, moins grosse, anatomie d'une discrimination. Voilà, un film qui a pour sujet les problèmes de rondeur, notamment au féminin, qui pose des problèmes de santé et puis des problèmes dans la société en général. Hein, voilà. Bon, il y a une certaine forme de racisme là, de cette manière, de ce côté-là. Alors, une autre page, toujours du mercredi 15 mai 2019. La page des petites annonces. Alors les petites annonces, il y a beaucoup de choses à vendre. Il y a de la publicité pour les publications de l'Est Républicain et voilà, et de Vosges Matin. La moitié de la page en bas. Et puis au-dessus, il y a les rencontres, un quart de la page à peu près. Hein. Ensuite, l'immobilier qui prend quelques lignes encore, quelques centimètres carrés. Terrain à vente, vente de fermes. Il y a aussi des antiquités brocantes. Alors là, ça prend aussi quelques centimètres carrés, hein, pas mal. équipement auto, utilitaire, voilà. Et puis il y a aussi deux articles de publicité pour la voyance, professeur Doum Kiba, grand voyant médium, et puis professeur Staffa, grand médium voyant, lui. Et puis villégiature, la rue Clébin. Et en ce qui concerne l'emploi, eh bien, il y a une seule annonce dans la rubrique emploi, c'est Vosges Apprentissage, jeune fille 19 ans, motivée, sérieuse et désireuse d'approfondir ses connaissances, cherche apprentissage boulangerie pour la rentrée ou à partir du 1er juillet, secteur Épinal et alentour, actuellement en CAP pâtisserie, possède CAP cuisine, permis B et véhicule. Voilà. Merci de me contacter, 07 81 61 50 22. C'est tout pour l'emploi. Donc, vous voyez, je parlais moi, d'un concours de l'emploi où les Vosges seraient championnes de France. Les Vosges seraient le premier département sans chômeurs, sans chômage, le premier département de plein emploi. Eh ben, on n'est pas encore arrivé parce que, vous voyez, là, c'est une demande d'emploi et encore une demande d'apprentissage. Il n'y a pas d'offre d'emploi du tout. Pas du tout d'offre d'emploi dans les Vosges, dans Vosges Matin. Vosges Matin, les offres d'emploi, le mercredi 15 mai 2019, c'est zéro pointé. Voilà. Eh oui, ben, vous voyez, faut dire que le chômage, c'est un filon. C'est un filon, vous voyez, pour les chercheurs d'or. Eh oui, parce que plus on tape sur les travailleurs grâce au chômage, le chômage c'est une massue énorme. Avec ça, on tape sur la tête des travailleurs et on leur fait avaler n'importe quoi. Il y a de moins en moins de gens qui sont syndiqués, de moins en moins de gens qui demandent des augmentations de salaire, qui demandent des améliorations de leurs conditions de travail, etc. Grâce, à cause d'eux, pour, à cause et grâce au chômage. Le chômage, c'est l'arme idéal, l'arme favorite des gens de droite, des pourris de droite. Remiremont, qui pour affronter Jean Ingret au municipal de 2020 ? Point d'interrogation. Ah oui, ça c'est... Bon, voilà, eh ben, on verra bien. Hein. De toute façon, ce que ça change, comme dirait l'autre. Ben oui, Remiremont, ville sans chômeurs, c'est pas demain la veille. Ah ben non, la population, les jeunes, ils fuient Remiremont, ils s'en vont. Eh bien, bien sûr, Remiremont sera bientôt une ville de retraités et de chômeurs. Bon, ben oui, c'est la cité des chanoinesses, que voulez-vous? Eh oui, comme disait l'autre, les chanoinesses, elles nous ont quittés il y a deux siècles. Eh bien, il reste encore des traces, des morceaux d'ADN de ce qu'étaient les chanoinesses, de leur esprit, de leur état d'esprit, dans le cerveau, dans le cervelet, et même dans la moelle épinière d'un certain nombre de personnes. Dirigeant ou dirigé, électeur ou élu. Caravane Vosges, de l'art pour parler du syndrome d'Asperger à l'Arche Bernadette. Voilà, le syndrome d'Asperger. Si on avait mis dans la recherche médicale tout l'argent qu'on a mis dans la guerre de 14, celle de 39-45, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, j'en passe et des pires, eh bien la recherche médicale aurait fait des pas de géant. Et à l'heure actuelle, il y a des maladies dont on ne parlerait même plus. Voilà. Donc, chers électrices, chers électeurs, pensez à une chose, c'est que les politiques, et pas seulement les politiques qui représentent, ils sont le couvercle de la marmite, hein, seulement le couvercle. Bon, eh bien, si ces gens-là agissaient dans le bon sens, votre vie, notre vie serait toute différente, serait de bien meilleure qualité. Voilà, ils en auraient un peu moins dans les poches. C'est sûr, mais nous, on vivrait mieux. Et eux aussi, d'ailleurs. Eux aussi. Épinal, commerce, on vous dit tout sur la Fashion Night de ce vendredi soir. What is it, Fashion Night? Hein? Sprechen Sie Deutsch, sehr schön, sehr gut. Ah, bon. Voilà. C'est Vosges Matin, hein, c'est un journal francophile, francophone, hein, pas francophobe. Ben non. Et voilà, ils causent en patois, mais c'est du patois. Alors, allez savoir si c'est du patois de la Bresse ou du patois de Gérardmer ou de Cornimont, ça je ne sais pas. Alors, voiture contre train, le match entre Épinal et Nancy. Eh oui, la voiture contre train. En voiture, le trafic fait exploser le temps de trajet. Eh oui, la voiture, ça roule moins vite que le train, forcément. Et puis c'est plus cher, et puis c'est plus polluant, etc., etc. Voilà, alors il y aura beaucoup de choses à dire sur le sujet, hein, mais là, il y a deux pages complètes sur le sujet. Alors il faut lire les articles, parce que moi je lis seulement les titres, on peut pas... Ah ben oui, les émissions mosaïques, et puis calendrier des esclavages et libérations, ça ne peut pas durer des heures et des heures, déjà que deux heures, c'est beaucoup pour celui qui fait l'émission, et puis c'est beaucoup pour ceux qui l'écoutent. Hein, bon, il y a la musique, bien sûr, mais pas que ça. Hein. Yannick Jadot, pardon, le vote du siècle. Ah, le vote du siècle, oui, c'est sûr. Même de loin, Notre-Dame, Paris fascine toujours. Ah, Notre-Dame fascine. Eh oui, les religions, les édifices religieux fascinent. Un échange franco-allemand de procédés, c'est l'apprentissage. Ah oui, l'apprentissage à la manière allemande. Bon, je connais quelqu'un, moi, qui est allé dans un centre d'apprentissage en Allemagne, et quand il est revenu, il a dit, non, gardez votre système, les gars, non, c'est pas meilleur que le nôtre. Pas de solution pour héberger une maman et son jeune enfant. Épinal, société, les bénévoles des différentes associations se sont retrouvés devant la gare d'Épinal ce mardi. Objectif commun est de trouver une solution pour la jeune maman et son enfant. Voilà, Jean-Louis Didelot et ses copains font tout ce qu'ils peuvent. Mais voilà, et tant qu'on n'aura pas réformé le système dans son ensemble, eh bien on ne pourra pas trouver de solution aux différents problèmes, ponctuels ou moins ponctuels. Il y a plein de jobs disponibles. Ah, ben voilà, donc les chômeurs ils savent, il y a plein de jobs disponibles. Alors, what is it, a job, hein? Les métiers de l'industrie se cherchent une nouvelle clientèle. Voilà. Allez, bonne écoute. Bonsoir.